Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Retro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce rétro nouveau numéro 5. On pensait pas qu'on se rendrait! On s'est rendu! 5! 5! Aucun bug technique. Malade. Ben non, pas de bug technique. Presque pas. Presque pas. Des micro-bugs qui ont pas paru. Pas dans la version audio en tout cas. C'est, hey, c'est chiant parce que là t'as aucun bois nulle part. Fait qu'on peut pas grand taper du ben, bois. Ben mon plancher est en bois. Vous touchez du bois. Ouais, c'est du beau on bois. On est sur du bois sans arrêt. Ouais, ouais. On est bien contents. Aujourd'hui, on a des invités. Oui! Pour c'est la première fois qu'on a. Non, on a déjà eu des invités il y a un bout. Dans la nouvelle formule. Dans la nouvelle formule, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Une première fois à toutes. Bienvenue dans les studios de Rétro Nouveau. Yes. C'est pas facile de se rendre à Thetford Mines pour trouver les studios. Surtout moi, mon gars. Marcher dans un pit de sable là, pendant. C'est pas facile. C'était long. Le boulevard Frontenac, le centre d'achat. Ah non, c'est pas évident. Le transport en commun est pas évident pour se rendre à Thetford Mines. Non, non, non. Le pouce pognait mal, il pleut. Je me sentais comme dans Streets of Rage. Je me battais un peu à mon arrivée, là. Plein de monde bizarre. Je suis parti la semaine passée. En fait, c'est ça, on te l'avait dit d'avant. Ouais. Mais ouais, introduisons-les. Il y a entre autres Guillaume Couture de Je joue le jeu. Hey, qui est ouais. Là. Oui, hey. C'est moi ça. Salut. Yeah, oui, c'est lui. Regardez ça, s'il est propre, puis il fait des bons programmes. T'es rendu à combien d'épisodes de Je joue le jeu? Sur mon ordinateur en ce moment, dans le 8e. Ouais. Oh. Ça sent bien imminent. Il resterait. Ça sort cette semaine, dans le fond. T'as commencé en septembre dernier. En septembre dernier, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Puis c'est un excellent show. Où est-ce qu'on apprend beaucoup de choses sur les jeux Famicom, entre autres? Ouais, mais c'est un sujet qui est vaste. Là, plus on avance, plus c'est documenté. Ouais. Donc, il y a peut-être moins à apprendre, du moins à se faire apprendre. Mm-hmm. C'est plus facile d'aller apprendre plus t'avances dans les consoles. Mais les vieilles consoles, là, j'ai la petite expérience à partager, je pense. Ben mais oui, c'est le fun aussi parce qu'on est divertis. C'est très drôle. On est instruit, on est diverti. Ouais. Puis c'est super bien tourné. C'est original, c'est bien tourné, c'est bien scripté. J'avais de la misère à garder mon attention à l'école quand j'étais jeune. Il fallait absolument que je sois diverti en même temps que j'apprenne. Donc c'est ce que je transmets. C'est bon. Ah, tu le transmets très bien. Ben oui, c'est bon. On en reparlera plus tard. On a l'occasion d'ailleurs. Puis on a aussi deuxième invité, Frank. Bonsoir. The Tank. Allô. Oui. Yes. Frank qu'on connaît de Monsieur Net. On connaît de Monsieur Net depuis longtemps. Mais aussi, anciennement l'analyse. Des geeks. Ouais, et Radio avec, Talbot, toujours que je t'es là, t'es pas là. Mais là, t'es... parce qu'on vient de dire analyse des geeks, je vais recevoir plein de messages Twitter de gens qui vont pleurer leur vie. Puis oh non, c'est vrai, j'avais oublié que ça existait avant ça, puis je m'ennuie. Repartez ça, voyons donc. Ben oui, t'as du temps, t'es de site, là, t'arrêtes pas. Ouais, parce que j'ai une soirée pour venir faire un autre podcast, clairement. J'ai du temps pour préparer le lien et le faire hebdomadaire. Surtout que l'analyse des geeks, c'est hyper technique. Tu peux pas te tromper. Non, c'est super light. 8 mails c'est sans super arrêt. Light. On fait juste prendre comme 10 sujets techniques et en parler pendant une heure et demie. Pas de préparation, pas en tout. C'est léger. Pour nous autres, faire un show de même, ça serait genre un mois de préparation. C'est une capsule de 5 minutes. Fuck le bébé vomi. Oh, en train de checker des feuilles. Ah, ben génial. C'est cool. Mais ouais, fait qu'on ne repartira pas l'analyse des geeks. Je tiens à. Non. Bon, en tout cas, on fera signer des pétitions puis on verra bien si vous changez d'idée. Écoute, s'il y a du monde qui sont prêts à nous payer à temps plein pour faire ça, on est bien open. Ouais. Mais je pense pas. Pour ceux qui savent pas c'est quoi l'analyse des geeks, je veux pas pointer personne. Mais c'est un podcast que j'avais avec Benoît Gagnon, qui est aussi à Monsieur Net. Oui. Qui a arrêté il y a trois ans, à peu près. Ah, oui. Déjà? Oui. Bon, ça fait un le bout. Temps passe vite, hein? Ouais. Mais ça veut également dire que ça a commencé tôt, quand même. Ben, ça a duré 2 ans et demi, à peu près. Puis c'était un truc hebdomadaire qui faisait une revue de l'actualité technologique. Puis on avait eu la bonne fortune de commencer au même moment où Bruno Guglielminetti, qui était la seule personne qui faisait un podcast technologique à l'époque au Québec, avait arrêté. Tout d'un coup, il y avait plein de gens qui avaient soif de ces choses-là puis qui sont venus sur notre podcast. Vous aviez une ascension fulgurante, ça avait aucun sens, là. C'était vraiment populaire. Et on a eu quelques bons moments de podcasting, dont une fois où on a bu une bouteille de sortilège au complet pendant le show à 1h30. Ça parlait un petit peu moins bien à la ben fin. Oui, ben oui, Ben en a encore technique. Parlé à soi, même. Monsieur Net. Good c'est... times. Ouais. Il y a plein de monde dans le chat qui sont tristes que l'analyse des geeks n'existe plus. Tout le monde s'en souvenait plus. Puis non, tout le monde s'en rappelle. Tout le monde est triste, voilà. Tout le monde va mal dormir à soi. On vient de voir à soi. Il pleut. T'as déterré une tombe ouverte comme à la Mogordo, mettons. C'est pas un rétro nouveau, c'est tout le temps plus de déception. C'est toujours plus. Ça finit avec du positif, par exemple. Ouais, fait que là, tu sais, on vient de commencer comme d'habitude avec quelque chose de déprimant pour tout le monde, puis on va vous remonter le moral pendant deux ans. Exact, c'est exactement ce qu'on va faire. Ben, je veux remonter le moral aux gens avec l'annonce de ma boutique Pignon Souri, Papa Cassis. C'est vraiment cool, oui. Ouais. Ben là, en t'as même beaucoup temps, de pression, là. C'est ça, ça m'énerve un petit peu. C'est pas ça m'énerve, ça me fait peur. Parce que, genre, tu sais, comme moi, je tweet là-dessus, rien que pour teaser, puis là, le monde, yeah, boutique, boutique. Fait que là, boutique, boutique. Tu respectes ta clientèle, c'est le fun. Hein? C'est ça. Ok, mais marketing, le monde m'en parle. Faut pas rire de ses clients. Ben, le monde m'en parle, tu sais. Ah ouais, puis comment ça va être? C'est tout fou, ça, là. Mais là, je veux le dire, puis c'est très important. Ça sera pas. Tu rentreras pas dans un EB Games c'est rétro. Pas un magasin, là. C'est pas un magasin à rayon avec un employé, puis moi, dans le gérant en arrière, en train de rentrer des données dans un ordinateur. Là. Sans compter les millions de dollars. C'est ça. Tu fais tellement d'argent avec ça. C'est un restaurant mobile, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est un camion. Tu donnes du Genesis. Tu ris, mais chaque fois que je vois un truck semi-abandonné dans le quartier ici, c'est monnaie courante. Ouais. Ils sont pas pognés en feu. Je me dis, fuck, à un moment donné, je vais m'acheter une guenille de truck de même, je vais partir on tour. Ça serait vraiment hot. Fait que dans le fond, la boutique, c'est que tu rentres dans un local gros comme tes toilettes, puis ça fait quand tu rentres. Ça sera pas déprimant de même. Non. La boutique, en fait, je dis boutique, mais moi, je suis travailleur autonome. Oui. Je travaille de chez moi. Puis je vends des jeux sur le site, puis je collectionne ça, comme vous savez, pour le plaisir. Fait que tu vas ouvrir la porte patio, puis tu vas vendre à partir de ta cour, c'est ça? Ben là, ben, moi, quasiment ça. Moi, je vois un petit trou là, dans la cuisine qui donne sur ton évier. Tu peux juste te positionner là. Ben oui. Je passe les jeux. Non, mais c'est ça qui arrive. Les gens, ils viennent chez moi présentement, puis c'est bien correct, c'est moi qui les somme de venir ici. Mais je voulais avoir un endroit. Puis là, tout est dans des bacs ici. J'avais un entrepôt, je gardais du stock à l'entrepôt aussi. Ouais. Mais là, tu payes déjà pour garder tes jeux quelque part. Ouais. Puis là, des fois, le monde me demande, hey, j'aimerais ça avoir tel jeu. Fuck, faut que j'aille au coin de Holt et Iberville. Ouais, mais il y en a 12 000 entrepôts là-bas. Puis après ça, faut que je revienne ici. Puis là, comme dans l'après-midi, quelqu'un d'autre me commande un jeu, faut que je retourne là-bas. Là, j'étais écœuré. Fait que je garde tous les jeux ici. Là, il y a du stock partout. Puis c'est un peu pêle-mêle. Fait que je voulais louer un local dans lequel je vais travailler en tant que travailleur autonome, comme je fais présentement. Donc, je lâche pas ma job pour vendre des jeux parce que c'est impossible de vivre des jeux rétro. Non. À moins de. En tout cas, à moins que je vende ma maison puis que je vive dans un 2,5. Avec ma famille puis tout, puis là, ça serait peut-être possible. Le truc du camion, là, c'est pas pire. Ouais, le camion. Si on vit tout dans le truck, ça on revient au camion. Je te dis ça de même, là, mais... Ça va peut-être être un 48 pieds pour tous ces jeux, par exemple. Mais dans le fond, la boutique, ce que c'est un genre de loft qui était converti résidentiel, mais qui va être reconverti commercial. Oui. Donc là-dedans, il y a une salle de bain équipée, une cuisine, puis tout pour faire des parties. Ça, c'est génial. Puis moi, je vais travailler dans un coin, puis mes jeux vont être installés dans la place. Puis quand vous allez rentrer là, c'est comme si vous allez rentrer un petit peu chez moi. Mais ça va être, tu sais, comme. Il va y avoir un étalage à jeux, il va y avoir des consoles de brancher. Puis c'est comme un work in progress. On va voir où est-ce que ça va aller. Parce qu'on veut enregistrer Retro Nouveau là-dedans aussi. Oui. Puis devant public, si. Public, il y a assez de place pour l'accueillir. Exact. Ça devrait. J'aimerais faire des petits parties clandestins, Papa Cassette aussi, sur invitation, là, tu sais. Ce genre d'affaires-là. Je veux que ça soit un lieu de rencontre où est-ce que les gens ont du plaisir. Pas une boutique, magasin, tu rentres, tu sors, tu payes, c'est fermé. Non, exact. Tu sais, comme. Mais en même temps, j'ai peur que le monde. Se mettre à se tenir là toute la journée pendant que je travaille. Je pourrais pas entertainer les gens. Mais moi, j'aime beaucoup la vibe des petites boutiques indépendantes de jeux de rôle ou de jeux de table où justement, t'as du monde qui rentre, sont une gang de quatre qui s'en vont à une table puis qui commencent à jouer un jeu pendant que les choses se vendent en arrière. C'est un peu le même principe ce que tu vas faire. Ça va ressembler un peu à ça, effectivement. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais laisser l'installation de Rétro Nouveau en permanence, puis là, tu charges genre 2$ au monde pour s'asseoir là, puis se faire prendre en photo. Fait que là, c'est comme, hey, check, je suis comme à Rétro Nouveau. J'suis à Rétro Nouveau. Alors, ben, on va voir. Ben, c'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, dans les événements, je peux charger un petit cover, tu sais, whatever, 3$, tu sais, puis d'avoir de la bière dans la place. Hein. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire légalement au niveau de l'alcool non plus. Ouais, c'est tout en bas. Mais je vais checker ça. Puis le but, dans le fond, c'est que Papa Cassette existe dans un endroit. Il y a une adresse, puis ça va être le lair, tu sais, tout le stock va être là-dedans, tout ça, puis nous autres, on va enregistrer là, puis tout va être parfait. T'es tout courant que t'as déjà une adresse sur la porte dehors, hein? Ici? Ouais, j'ai déjà une adresse d'ailleurs. Ben, beaucoup de monde commence à la connaître. Puis, mais je veux. Ben, je veux c'est comme, ça. Il tant que ça change je veux, aussi. Je veux là. Me séparer de ben ça. Oui, ben j'ai jamais eu de problème avec du monde. Là. Le monde qui vient ici m'acheter des jeux sont tous super cool. Non, puis, mais séparer ta vie personnelle avec ta vie professionnelle, c'est toujours le fun. Là. Mais aussi, ça, faut pas oublier que. Moi, j'ai une hypothèque à payer. Oui. Ça, c'est comme si je me payais un appartement en plus de mon hypothèque. Ce n'est que des dépenses. Mais vu que je suis travailleur autonome, je récupère les taxes. Je peux déclarer une partie des dépenses dans mes dans mon travail autonome. Fait que, ça réduit le loyer. La vente de jeux peut payer une petite partie, mais en même temps, il faut que j'en garde pour acheter d'autres. Ben, comme quand tu avais dans un local avec Royal Deluxe. Là, quand c'est ça. Effectivement. Fait que, avec la vente de jeux, avec les frais que je peux déduire, c'est comme ça que je peux me le permettre, genre. Mais c'est quand même une très grosse décision pour moi parce que, Chris, c'est 700$ par mois que je dépense là, dans le vide, là, rien que pour avoir une adresse. Là, Ça peut. Ben, peut-être ça peut venir ailleurs, à quelque chose. C'est un test que je fais. T'sais. Ben oui. Mais sauf que. Contrairement aux autres places où ils se vendent du rétro, le rétro, ça a comme pas de visage à Montréal, ça a pas d'identité, ça a pas de brand. Non. Moi, je trouve que c'est ça qui manque, pis c'est le fun. Papa Cassette a un peu ça aussi. C'est ça que je voudrais aussi. C'est, parce que tu peux centraliser tes affaires. C'est le vibe que j'ai aussi d'avoir un espèce de QG rétro. Exact. Moi, ça me parle, en tout cas, de même, pis un spot rassembleur, c'est ça que j'aime en arrière de ça aussi. Puis là-dedans, ça va, tu sais, je vais meubler dans les vidanges, je trouve des TV dans les vidanges, man, à l'armée du salut, des bibliothèques, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a une en arrière de Guillaume à terre, là, présentement. Demain, avec c'est une un prise gars qui de vidéo. Il ça. Il y avait assez sur le bord de la rue. C'est ça l'odeur. Exact. Puis tu sais, il va avoir des cassettes Atari, tu sais, des posters rétro. Tu sais, ça va être comme un Capharnaüm, tu sais, rétro, dans le fond. C'est comme la cellulose à Ouattatata, mais avec des jeux. Nice! Cellulose! Mais tu vois, il y a Xirvel sur le chat qui dit: je pitch mon argent à l'écran et il se passe rien. Ah, donc, il faut que tu travailles sur une interface pour que les gens puissent lancer leur argent sur leur écran. C'est une interface de transfert d'argent par ça te le pitch d'en face. Il y a un piton de donation sur le site. Oui, sur le site de Rétro Nouveau. Mais c'est ça. En tout cas, j'espère que vous allez venir en grand nombre. Puis, tu sais, moi. Quelle date? Ben, je vais prendre possession. Quelle date, quelle adresse aussi? Je vais prendre possession le 1er juin. Mais peut-être je vais pouvoir prendre possession avant. Si je peux pas avant, le 1er juin, tout est à faire. Fait que je voudrais pas que tout le monde arrive le 1er juin parce que ça va être net. C'est ça. À moi qui veulent aider. Là, ouais, t'sais. C'est ça. Vous pouvez venir aider. Puis dans le fond, ça va être directement à côté du métro Frontenac parce que je préconise mon quartier. Je veux que ça soit proche de ma maison. Ouais. Ça va être entre Ontario et Rouen. Rouen est une rue au nord d'Ontario. Mm-hmm. Donc, tu sors du métro Frontenac, tu marches un petit peu, t'es rendu. C'est vrai, à côté. Ça va être le fun. Fait que c'est un coin à découvrir, centre-sud. N'ayez pas peur. Mais en même temps, c'est proche quand même du centre-ville. Amenez votre porte de Cayenne. je garde un shotgun en dessous de mon bureau là-bas si jamais il y a des problèmes. Dirigé vers la porte. Exact. Avec un fil, là. Tu sais, ça ne file pas. Ça chauffe la gueule dans l'entrée. C'est clair. Mais en même temps, avoir la réaction du monde par rapport à ton annonce, si jamais le 1er juin, tu prends possession du local et qu'il y a bien de la job à faire, je suis pas mal sûr que si tu fais un appel à tous et dis au monde, viendrez-vous aider Papa Cassette, il y a plein de monde qui vont se pointer. Déjà, au Funzo, j'ai des gens qui sont comme « Yeah, je vais venir t'aider. » Il y a une communauté qui s'est bâtie. Ellie me dit « Je vais te passer mon trailer. » Arch, il me dit « Je vais venir passer le balai puis je vais aller t'aider. » C'est tricoté serré comme communauté. Moi, je suis un peu nouveau là-dedans, mais je trouve ça le fun. C'est vraiment le fun. C'est comme un intérêt tellement pointueux que quand on se rencontre, on colle. Exact. C'est ça qui est arrivé au Funzo aussi. Là, je le fais depuis octobre. Puis au début, il y avait un noyau, tu sais. Mais là, le noyau a tellement grossi, des habitués, genre. Puis c'est des chums, là, tu sais. Puis eux autres sont devenus des amis entre eux aussi. Fait que, tu sais, ça. Fait que d'avoir une adresse physique pour ça, en plus, j'ai comme l'impression que ça va encore plus rapprocher les gens. Hey, je vous aime, fans de rétro, toute la gang. Ouais, dans le chat, puis tout. Il y a du monde qui demande s'il y a un party de peinture qui va être planifié. C'est déjà réglé. Tes rénos sont faits. Ça serait drôle, ça. T'as juste à les promettre. Il y a un Madonna pizza de à côté, en plus. Ouais. Payé en cassette de Mario Bros. De Conte. Ouais, ça, j'en ai pas mal. Ça, c'est vrai. Dans le fond, t'as le droit de prendre le shotgun puis tirer dans un Mario Bros. C'est ça, la récompense. coup un poster du chien. Exact. Tu peux imprimer des posters du chien, puis t'as le droit d'un coup de shotgun sur le chien. J'avoue que ça serait hot. Fait que c'est ça qui va se passer. Je vais vous tenir au courant, là, de toute façon. C'est génial. Que, toi, avec Bruno, pour ben changer... Ben ouais, moi aussi, j'ai une grosse annonce. Grosse entreprise. Grosse, grosse, petite, quand même. Moins gros que toi, Crime, c'est pas la même affaire. Moi, j'ai finalement ouvert une boutique de t-shirts. Parce que ça fait longtemps que je fais du dessin. Exact. Du dessin. Bruno, il est bon en dessin. Fait des tannants de beaux dessins. Merci, des tannants de beaux dessins. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tannant. Moi, je suis deux en dessin. C'est pittoresque. J'aime ça dire ça. Mais c'est ça, bref, j'ai ouvert une boutique. C'est des t-shirts que je vais faire qui sont à thème des jeux vidéo. Puis ça va être un look un peu plus street. Ouais. Parce que des fois, les t-shirts de jeux vidéo, des fois, je les trouve quétaines ou je les trouve... Il y a trop d'imprimés sur le chandail, puis ça s'en va n'importe où. C'est le fun quand c'est subtil un peu, je trouve. Exact, c'est le fun quand c'est subtil un peu. Fait que là, j'ai parti la manette. C'est de même que ça s'appelle. Yes. Fait que là, c'est ça. Jusqu'à date, j'ai 4 designs pour l'instant pour commencer ça. Mes designs, c'est un Sonic qui vomit des rings. Yes. J'ai Mario puis Luigi en skater assez badass. Ouais. J'ai un aussi, attends une minute. Arthur de Ghosts and Goblins. J'ai Sir Arthur de Ghosts and Goblins avec ses lances en dessous de lui. Puis j'ai aussi Mega Man qui est comme une espèce de kid qui joue avec sa tête. Il y a comme plus un de ballon. Tête. Puis il joue ça avec sa tête comme un ballon. Fait que c'est quoi l'adresse exacte? L'adresse exacte pour aller là, c'est lamanette.bigcartel.com. Pour ceux qui sont dans le chat, je vais de la copier. Allez voir ça maintenant. Vous pouvez aller voir ça maintenant. Big Cartel, c'est un site ça, de vente de t-shirts? C'est ça. C'est un site de en fait, c'est un site de vente de stuff. C'est ça, okay, exactement. Okay. C'est pour les jeunes artistes qui veulent vendre des choses. C'est vraiment une place géniale, Big Cartel. Si jamais vous voulez vous partir un petit magasin, vous ne savez pas trop comment faire. Ouais. J'ai monté ça en 2 heures. Faire les designs, ça a été super long. Mais faire ça, ça a été très rapide. C'est très intuitif. Ça fonctionne super bien. Pour l'instant, les chandails, on va imprimer la première batch, mais on prend les précommandes. En fait, ce qu'on fait, c'est que vous commandez le chandail va être shippé probablement au mois de juin. J'ai pas la date encore exacte. Je devrais l'avoir d'ici la semaine prochaine pour savoir exactement quand est-ce qu'on va shipper ça. Donc, essayez de conserver votre ligne d'ici là. Si vous prenez une taille et là, d'ici juin, ben là, il y a de l'excès dans le mois de mai, ben ça marche plus là. Ça exactement. Marche plus. Dans le mois de mai. Le bon vieux truc de prendre une taille plus grande puis de mettre en sécheuse fonctionne tout le temps. Ouais, exactement. Puis, oubliez pas, pour les résidents du Québec, vous pouvez rentrer le code québécois sans accent. Avec ce code-là, vous allez avoir 3 piastres de moins sur le shipping. C'est parce que je vais en acheter un tout de suite sur mon téléphone. Québec, ben, great! Fait que c'est ça, allez-y, achetez-les, aimez-les, donnez-moi vos commentaires. Je vais ouvrir un compte Facebook et un compte Twitter aussi pour la manette sous peu, probablement demain. Mais d'ailleurs, oui. Comment ça qu'il n'y a pas de t-shirt de rétro nouveau? Ben, c'est ça, j'allais en venir parce que j'ai recommandé une nouvelle batch de t-shirt rétro nouveau. Oui. Des médiums, des X large, des 2 X large, oui. Puis des médiums de filles. Donc, c'est ce que on m'a demandé. Fait que j'en ai commandé. Puis là, il faudrait qu'on arrange la boutique éventuellement quand j'irai. JF aura 30 secondes dans sa vie. Ouais, je te fais ça demain. D'ici 2000. C'est ça. Fait qu'on va tout afficher ces beaux t-shirts-là. Ben, peut-être dans. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on héberge ça sur papacassette.com ou sur Rétro Nouveau? Puis on le switch d'un à l'autre. Ben, on va probablement les switcher de l'un à l'autre. T'sais, moi, même pour la manette, il pourrait avoir le chandail de Rétro Nouveau sur le site de la manette. Ouais, c'est ça. Ben, correct, sur Rétro Nouveau, présentement. .ca, on a un lien magasin, mais exact. Qui redirige vers ma boutique. C'est fait ça. Que moi, ce que je voulais faire, c'est qu'on arrange cette section-là, qu'on reste dans le rétro nouveau, oui. Puis on aura une tuile par un modèle de t-shirt, puis ben tu oui. peux les acheter direct là. Certainement. Puis dans Papa Cassette, je vais comme enlever ma bio, je sais pas quoi, ou tasser le menu, puis rajouter genre t-shirt. Fait que là, il y aura ben un t-shirt rétro nouveau, puis la manette à acheter là. Great! On va faire ça. All right. Fait qu'est-ce que le monde va pouvoir aller à ta boutique pour acheter des t-shirts de rétro nouveau? Ben certainement, parce que ici on est comme dans ma boutique présentement, puis les t-shirts sont là. Fait qu'on peut, ils vont être en vente sur place dans la boutique effectivement. C'est génial, man. Ouais. Party t-shirt. Ouais. Party t-shirt. You get a t-shirt. You get a t-shirt. Everyone gets a t-shirt. Yeah. Look under your seat. Avec des shotguns de t-shirt. Comme des shows. Yes. C'est ça le shotgun qu'il faut voir à l'entrée. Ah, ouais, un shotgun à t-shirt. Ça knock le gars, puis un chandail est trop nouveau. Win-win. Mais tu sais pas ce que tu vas avoir. T'sais, c'est peut-être un vieux t-shirt de la Bat 50. Ouais, ou c'est que tu as poigné au village des valeurs. C'est comme, oh shit. Je suis content, moi, un vieux t-shirt de la Bat 50 quand même. Ouais, c'est pas... ouais, c'est vrai ça dans le fond. Ça pourrait être nos ton t-shirt Bud Light dans mon t-shirt Gamer. Bud Light dans My Gamer. Encore dans mon tiroir. Ouais, c'est clairement. Ben il est là. Le propriétaire est jamais venu le chercher. C'est pas you. C'est pas you. Ah. Fait que on va faire un petit tour de table avant d'aller en pause pour savoir qui joue à quoi ces temps-ci. Yes. Puis on va finir par Guillaume parce que Guillaume il s'est comme oh boy, Guillaume c'est il est lancé, perdu. Je fais mon rapport d'impôt, je suis dans mes projets. Qui veut se lancer là? On peut commencer avec Frank. Nous autres on parle depuis tantôt. Ben oui. Là, je vais parler de jeux dont on a beaucoup parlé ici, malheureusement, mais tu sais, c'est... Ben, faut en parler. Bruno, il dit que tout le monde joue à rien qu'à ça présentement. Ouais. Parce que rien d'autre. Des jeux qu'on parle. Mercenary Kings. Oui. Ouais. Auquel je joue beaucoup, mais je suis poche. Ouais. Ah ouais? J'ai de la misère avec le concept de pas pouvoir tirer en diagonale. Ouais, c'est ça que Jeff m'a Les ennemis sont capables de tirer en diagonale, puis pas moi, puis j'ai bien de la misère à faire fitter ça dans mon cerveau parce que j'arrête pas d'essayer de tirer en diagonale tout le temps, puis ça fonctionne pas. Puis là, je mange une balle entre les deux yeux. C'est violent. Oui. Infamous, que j'ai fini. Oui. Puis que là, je me dis que maintenant qu'ils ont fixé tout le système de Paper Trails, j'aurais peut-être retourné pour faire ces missions-là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé les Paper Trails, mais j'ai vraiment pas fini. En fait, il me reste rien que ça. J'ai tout fini à 100%. J'ai essayé de commencer les Paper Trails quand le jeu est sorti. OK. Mais l'équipe... Ça buguait, ça fonctionnait pas. Le site web de Paper Trails te donnait une page d'erreur. Ouais, c'est ça. Il y avait absolument rien. Puis ça a pris comme 3 jours avant qu'ils te donnent autre chose qu'une page d'erreur. Plus, t'essayais de t'inscrire dessus, là, t'avais une page d'erreur. Ça leur a pris comme Parce une là, semaine. Parce que le dernier chapitre est sorti, là, il me semble. Ils l'ont annoncé cette semaine, fait que... Mais ça leur a pris comme une semaine fixer ça. Puis par le temps qu'ils le fixent, j'étais rendu à la majorité du jeu. Fait que j'étais à la chenoute. Que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Oui. Puis j'ai un peu la même critique que t'en faisais, que les pouvoirs, c'est plus de l'esthétique qu'autre chose. Oui, il y a une certaine subtilité qui change un peu d'un pouvoir à l'autre, mais c'est surtout une couche esthétique. Puis ça m'a déçu un peu. Oui. J'ai joué aussi un peu à Nuclear Throne. Ah, c'est quoi ça, Nuclear Throne? Vlambeer. Ah, oui! Quoi? Non? Ben, je connais Vlambeer, mais je. Yes! Je connais quelque chose que les gars de tout le monde pas. Ça doit pas être OK, rétro, c'est fini. Drop the mic. Non, mais c'est un studio. Je me rappelle plus de quel pays nordique ils viennent. Vlambeer, ils font Ridiculous Fishing. C'est ça. Puis ils font aussi un jeu que je vais nommer Lufthauser. Ouais, Lufthauser. Lufthauser. Mais ils ont aussi fait Nuclear Throne, okay. Qui est un jeu où les tableaux sont générés de façon procédurale, okay. Avec vue à la Zelda, en fait, là, les vieux Zelda, là, vidéo. Ouais. Puis t'as le choix entre 5 ou 6 bonhommes. Puis là, tu commences, puis t'as à peu près rien. Puis tu finis le tableau en tuant tout le monde qui sont là. Puis tu pognes des upgrades de gun. Puis à chaque tableau que tu finis, tu level up. Puis là, tu peux choisir une habilité de plus, mais qui ont tous des inconvénients. Puis c'est à peu près garanti que tu te rends pas à la fin du jeu. OK. Ah oh oui, je l'ai vu, ça. C'est style de gauntlet. Ça va être sur PS4, PS Vita aussi, il l'avait annoncé. Ça se peut. Moi, je joue sur PC en ce moment. Mais là, tu joues sur PC. Parce que c'est un truc avec, genre, tu ta mire, ta bouge avec ta souris ou quelque chose du genre, là, puis, c'est ça. C'est ça, tu fais juste bouger ta mire autour de toi, puis tu sais. Exact. Comme gauntlet, tu disais. Ouais, ben, c'est le même style dans le sens où c'est ça, c'est des tableaux générés procéduralement, puis il y a plein d'ennemis dans chaque tableau, puis la difficulté monte tranquillement pas vite. Puis je pense que mon record, c'est tableau 9, là, puis j'étais tout fier de moi, là, mais il y en a, je sais plus combien, puis c'est à peu près impossible. Mais c'est drôle parce que c'est vraiment n'importe quoi, puis les animations sont exagérées, les ennemis explosent en boules de sang, puis c'est. Ah ouais. Mais ouais, ça, tu vas triper, Dom, c'est vraiment. Look c'est rétro, rétro en plus, c'est rétro, all the ça way. Coûte combien ça? Je me souviens pas. Moi, j'ai juste vu, puis j'ai dit shut up and take my money. Fait que, 10$. Ouais, c'est ça, il dit qu'il était pas cher, puis j'ai juste fait comme. Ok. J'ai pitché mon PC à 10$. Hein. Pitché mon 10$ dans l'écran, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis mon numéro de carte de crédit, puis je l'ai acheté. Ça a fonctionné. Mais une affaire, je sais pas si j'ai dit à Rétro Nouveau quand j'ai fait de la critique, mais Infamous, il se joue vraiment bien avec la PS Vita. C'est sérieusement, là, ils ont, contrairement aux autres jeux qui se jouent en Remote Play, celui-là, ils ont adapté les contrôles pour la PS Vita. Fait qu'il sait que t'es sur la PS Vita. Fait qu'il adapte les contrôles. Fait que tout ton L2, R2, c'est rendu touchscreen. OK. Fait que dans le fond, très tu cool. tapes dans l'écran, ça va super bien. Tu tapes pas en arrière. Christy, que ça va mal, le pavé tactile. C'est de vraiment... Le seul jeu que j'ai vu que tu disais bien le pavé tactile, c'était Katamari Damashi. Oui. Où le pavé tactile te permettait d'étirer la boule ou de l'aplatir pour pouvoir passer dans des endroits moins larges ou moins hauts. Okay. Puis ça, je me suis dit, hey, ça, c'est la rare fois où j'ai quelque chose de tactile en arrière d'une console. Dans les mains, je trouve ça intuitif, les commandes qu'ils me demandent de faire. Ben, il y a ça, puis le tear away, c'est ça. Ton doigt qui passe à travers l'écran quand tu mettais en arrière, là. Ça allait bien. Ah, wow. Ouais. Puis aussi, pour taper les trampolines. Ouais, exact. Ça va super bien, tu sais. Fait que, non. Little Deviants aussi, ça allait bien, mais le jeu, c'était de la vraie merde. Ouais, c'est à ça que je joue ces temps-ci. Non. C'est bon. Ah, puis je viens de finir la dernière expansion de Borderlands qui était incroyablement drôle, tout le contenu de Borderlands 2, en fait. Le lead writer de Borderlands 2, ce gars-là, je veux qu'il ait mes enfants. Genre, nice. Moi, je l'attends sur Vita, là, celle-là. Tu sais, même affaire, Mercenary Kings, vu qu'il y a ben du farming puis tout ça, je suis comme, je vais attendre de l'avoir sur Vita, comme ça, je vais avoir le temps de le faire, mon farming. Ouais, c'est clair. Sur une grosse TV dans mon salon, j'ai pas le temps, je m'endors avec ma manette. Mais en même temps, Mercenary Kings, couch co-op. Oui, couch co-op. Puis le système de couch co-op est vraiment bien fait. Oui. Où l'écran devient un peu plus petit, mais dans le bas, t'as la carte, puis tu vois toi et l'autre sur la carte de chacun des deux bords. Ouais. Fait que tu sais où l'autre se trouve, peu importe la complexité du tableau. Puis tu le sais qu'en connaissant Tribute, qu'ils voulaient avoir un couch co-op. Parce que eux, tu sais, leur référence dans la vie, c'est le plaisir des jeux rétro, justement. Puis c'est pas jouer nécessairement à remote ou whatever, c'est pouvoir aussi jouer couch co-op comme quand on est petit, tu sais. Fait que ça, c'est très cool. Sans prendre deux consoles et deux TV. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ben, vu qu'on parle de Vita, je vais ben enchaîner. Oui, vas-y. J'ai une Vita maintenant. Hey, j'ai ça, c'est converti. Génial. Il t'a converti à sa religion, c'est ça? J'ai finalement réussi. Ben, c'était pas ça. Ben, il y a rien à convertir. J'ai déjà une 3DS de toute façon. C'est vrai. Puis, je l'aime bien. Mais je me suis dit, fuck, là, il commence à avoir ben trop de jeux indie. Moi, j'ai pas de PC, j'ai pas Steam, là, mais je sais que je pourrais scandale. Avec mon Mac, tout ça, puis bon, mais désolé, je suis pas là-dedans. Mais je me suis dit, ça me prendrait une Vita pour jouer à tous ces fameux jeux qui sont là tellement hot. Fait que Vincent Laniel, mon bon ami, m'a fait un bon deal sur sa Vita avec un échange d'un paquet de jeux de Super NES, puis tout ça, il me fait toujours des bons deals. Fait que, t'as échangé des jeux de Super NES pour une Vita? C'est quand même... Ben, des jeux de Super NES, puis un montant d'argent pour la Vita. Parce que j'allais dire, c'est un bon deal. Là. Ouais, c'était un très bon deal. Non, il m'a fait un très bon deal, là, moitié prix, là, tu sais, vraiment. Fait que là, tout de suite, en fou. Ben, premièrement, j'ai essayé ben. De... J'avais ben des. Pas des updates à faire, mais là, je pensais que ça allait être super simple de pogner ma game de Guacamelee puis de la foutre dans ma Vita. Hey, c'est pas simple pantoute, mon gars. C'est zéro simple, man. C'est pas si pire que ça. Non, faut que tu télécharges, peut-être dans le cloud d'un bord, puis tu gosses dans l'autre. Je sais que c'est pas. Y a pas... C'est vraiment pas si pire. C'est vraiment pas si pire, c'est mais pour des gars comme moi qui ont pas. Ouais, mais il y a pas juste un papa cassette dans cette. Non, il y a d'autres mondes qui pensent comme moi, pis qui aiment ça quand c'est user-friendly, pis ça va vite. Nintendo. Ton opinion a de la valeur dans le sens que ça devrait être simple. Oui, on Nintendo. Oui. Si ça avait été Nintendo, il aurait fait ça simple. T'sais. Si ça avait été Apple, il aurait fait ça simple. Là, c'est semi-simple. Friend System sur la Wii. Ouais, exactement. C'est juste ça que j'avais à dire. Ah, je vois pas dans un Friend System. Non, mais c'est ça. C'est un code de 12 chiffres sur cette la Wii. Là, ouais. Qui était impossible à savoir, puis que personne pouvait distribuer à personne, fait que tout le monde n'avait pas d'amis sur la Wii. Mais même sur la 3DS, pourquoi faut absolument que les deux veuillent être amis pour que ça marche, tu sais? C'est là-dessus, si tu veux un friend, that's it, il t'ajoute. Check, tout, moi ça. Les friends, je m'en sac. Moi, je veux juste transférer mes games d'une console à l'autre, puis que ça. Juste que je drag and drop. Mais c'était pas ça. Fait que, en tout cas, j'ai gossé, m'as trouvé des tutoriels, j'ai réussi. Il synchronise pas automatiquement. Mais il synchronise automatiquement, c'est juste que lui, il avait commencé sa game sur PS3. Mm-hmm. Puis là, longtemps après, il a mis son truc sur PS Vita, puis là, il voulait transférer sa game. Il aurait ben là aussi, j'ai toutes mes games que je veux transférer. J'avais un minis de Wizard, il a fallu que je retélécharge, dans le fond, puis que là, en mode bulle, puis là, que je drague la bulle, puis là, je vais dans ma Vita. Puis je pensais qu'elle allait apparaître, la bulle, sur mon écran. Non. Peut-être dans les settings, t'allais choisir une affaire, tu download l'affaire, puis là, bulle, elle apparaît. T'as comme genre 5 étapes que je m'attendais pas. Ouais, mais attends un peu, Dom, là-dessus, là, pour Chris, pourquoi la bulle n'est pas apparue tout de suite quand j'ai branché ma Vita? Fallait que tu pèses en arrière. Elle supposait le savoir, elle, que quand je la branche dans un PlayStation, Non, attends. Wizorb, là, ouais. Wizorb, t'es pas supposé avoir ça sur ta Vita. C'est pour ça que c'était difficile de même, parce que Wizorb est pas disponible ben sur le store de la Vita. Mais pourquoi quand j'ai branché, donc on est pas supposé en parler ou qu'est-ce que c'est ça. Non, mais c'est parce que ça, c'est un vieux truc de la Vita. Un truc d'un vieil Indien. Ouais, ça, un truc de vieil Indien. Ça, là. Non, mais c'est ça, c'est parce que ça, en fait, c'est comme les jeux de PSP ou les jeux de PS1 ou les mini. C'est ça. Si tu veux les transférer, t'es gardes en mode bus sur ta PS3 puis t'es transfères sur ta PS Vita. Ça, c'est les jeux qui sont pas sur le store de la PS Vita. Ouais. Puis c'est un workaround, c'est une façon de réussir à les mettre là-dessus parce que Wizorb est pas sur le store PS Vita. C'est vrai. Ce qui est weird quand même, mais bon, c'est considérant qu'il fonctionne. En tout cas, moi j'aurais préféré que ça branche puis ça se fasse tout seul, que ma Vita comprenne qu'il y a une game de Guacamelee dans mon PS3, puis que tu sais, mais en tout cas, whatever. En tout cas, c'est fait. Puis fallait que je chiale. Fait que là, je capote. Là, j'ai tout rechargé plein d'affaires. Au-delà des problèmes, il y a du plaisir. Il y a eu une vente de feu PlayStation. Moi, je vois Fez. Je ne l'ai pas essayé encore. J'ai téléchargé le démo de Fez. C'est la première affaire que tu devrais jouer. J'ai téléchargé le démo de Spelunky. Oui. J'ai pas joué beaucoup. J'ai acheté Holy Holy sans jamais avoir essayé parce que tout le monde disait que c'était malade. Mais là, il faut que je casse mes réflexes de Tony Hawk Pro Skater pour réussir à jouer là. Ah, mais ça sera pas long. C'est dur, man. C'est dur. Mais non, mais il te casse là. Il te casse, point. Ah, c'est ça. Hotline Miami. Hey, oui. Je joue à ça présentement. Quel bon jeu. C'est tellement bon. Mais voyons donc. J'étais vraiment content. Il y avait un boot à PAX. Ouais. Quand je suis allé le mois passé, fait que j'ai pu aller voir quelqu'un qui avait rapport avec ce jeu-là, lui serrer la main puis lui dire merci. Merci pour tout ce que c'était juste comme merci. Ce jeu-là, là, c'est bon, c'est génial. Là, j'ai dit, je m'en fous, c'est quoi ton rôle dans la machine? T'as participé à ça? Ah ouais. Merci. Puis plus tu te rends loin, plus ça devient tactique puis stratégique. Ça devient vraiment tordu aussi. Le scénario est super intéressant. Puis quand t'es dans ton appart au début, la musique est lourde puis l'ambiance est verdâtre puis ton personnage il dégueule dans la ruelle, là tu dis ok là, avec si peu de pixels on sent que ton personnage va pas bien. On te raconte une histoire au-delà des mots parce qu'il y a des dialogues mais ils sont pas insignifiants, mais je veux dire il y a une autre histoire en parallèle qui est racontée avec les décors, avec ce qui se passe, les pixels justement, et ça c'est génial qu'à la limite le payoff du scénario sans, je veux absolument pas vendre de poche à personne, le payoff est pas si intéressant que ça dans Hotline Miami, mais l'important c'est le chemin que t'as pris pour te rendre là. Et l'expérience que toi, t'as vécu, parce que c'est vraiment viscéral. Et la quantité de têtes que t'as explosé à coup de batte de baseball. Ah ouais. Oui, ça c'est... Ou de porte en face. Moi, c'est ma façon préférée d'exploser les têtes. Les portes en face. Et j'espère que la dernière tête que t'as explosée et la première étaient aussi dérangeantes. Parce que moi, j'ai trouvé ça dérangeant tout le long. J'ai aimé ça, mais... Faut que ça t'ébranle le maintenant. Mais moi, c'est surtout quand tu y crèves les yeux à terre. Ah oui, un moment donné, là, tu crèves des pouces dans les yeux, c'est vraiment intense. Ben, avec la perceuse aussi, puis c'est un kill un peu plus long avec la perceuse, tu sais, comme. Ah mon Dieu. Mais je veux leur dire, puis je l'ai dit, Guillaume, sur ta page, d'ailleurs, on en parlera tantôt, ça mérite qu'on en parle, une image, un jeu. Mm-hmm. Quand tu avais spoté une image de ça, les sprites de ça, vu de dessus, c'est identique au sprite de Mission Impossible au NES. Ouais, c'est pareil. Ça, c'est un mélange de Mission Impossible au NES puis de Grand Theft Auto Vice City. Ouais. C'est ça que c'est. Avec un soundtrack de fou, mais pas un soundtrack rétro, un soundtrack musique moderne, tordu à la... Puis tu sens Miami là-dedans, les couleurs, c'est mauve, c'est rose. C'est très Grand Theft Auto 1 et 2 aussi. Ouais, c'est sûr. Les deux premiers Grand Theft Auto 1 était une vue de haut. Ça fait penser à Chinatown Wars un peu. Était une vue de haut, puis OK, il y avait beaucoup plus de guns puis de chars que dans c'était le même sentiment quand quelqu'un mourait, devenait comme une espèce de flaque de sang avec des petits morceaux de bras autour, puis... Pis visiblement, ceux-là qui ont fait ça, ils trippaient sur Driver, sur le film Driver. Ouais. Pas Driver, c'est Drive ou Driver? Drive. C'est vraiment la trame sonore, le look du jeu tel, le look du personnage principal, les masques, c'est tellement c'est superbe. Hotline Miami 2 s'en vient d'ailleurs. Oui, oui, troisième quart 2014. Fait que j'ai téléchargé aussi Love Trousers, Velocity Ultra, Super Stardust Delta, parce que j'avais jamais joué. Lumines, parce que Bruno dit que c'est bon. Puis c'est pas mal ça. Lumines. Lumines. On dirait un vieux band pop des années 90. C'est qu'il aurait fallu un Lumines, Ben. Mais il y a un C'est Lumines. Ok, Lumines. Mais fait que là, la bonne nouvelle pour ton budget, c'est que maintenant, quand tu vas à la salle de bain, tu peux t'asseoir avec autre chose que ton téléphone. C'est vrai, hein? C'est ça que je fais d'ailleurs. C'est annoncé publiquement quand je vais aux toilettes le matin, je joue à Hotline Miami. Voyons, non, j'éclate du monde. Puis aussi, je veux juste finir sur mes jeux en disant que je me suis pogné avec un échange que j'ai fait avec un gars sur la page Papa Cassette. Ça a pas été un Dreamcast en boîte avec tout le kit contre Demon's Crest au Super Nintendo. Oh. Je sais pas si t'as déjà joué, Guillaume. Non, mais je sais que ce jeu-là est déjà comme... C'est big. Il y a un trou dans ma psyché pour ce jeu-là qui est déjà fait d'avance. Moi aussi, il était fait, puis là, j'ai la cassette, fait que je peux le combler sur ce espace-là. Puis ça vaut cher quand même, c'est un jeu qui vaut genre 100$. Il est rare, dans le sens c'est que ça. Il est juste mal vendu à l'époque parce qu'il était mal commercialisé. Ouais. Puis il est arrivé à la fin aussi. Il est arrivé à la fin du cycle. Puis, mais je veux pas en parler trop. Parce que Demon's Crest, ça n'a pas rapport avec Gargoyle's Quest. Oui, c'est comme la suite. Ouais, c'est ça, c'est la suite. Je veux pas en parler trop parce que je l'ai pas fini, mais ça va venir dans un prochain rétro nouveau, puis il va certainement être dans mon top à la fin de l'année des jeux de Super NES. Génial. Beau. Ah, c'est beau. La musique est bonne. Ça. C'est incroyable. Ah, j'haïs ça. Fait que c'est ça pour moi. Donc, allez-y. Colin, ben moi, je vais y aller. Présentement, j'ai commencé sur la PS Vita. Enfin, est arrivé The Walking Dead saison 2. OK. Il était temps parce que moi, j'avais fait la saison 1, puis je me suis dit, ben, je vais faire la saison 2 quand ça va être sur Vita. C'est la seule place où j'ai le temps vraiment d'apprécier. Puis, maudit que c'est déprimant, man. Oui. Ah ouais? Ah, wow. Oh, fuck, t'as joué, Frank? J'en parle quotidiennement avec un de mes collègues qui, lui, joue. Puis à chaque fois qu'il m'en parle, je suis déprimé. Ah oui, il fait juste m'en parler, puis je suis comme, man, c'est lourd ton affaire. C'est donc bien la mort, la vie. On commence notre journée, tu peux-tu pas, genre, éteindre le soleil de façon aussi brutale que ça pour commencer la journée? Mais ouais, il m'a parlé juste du début, c'est puis du bout avec le chien. Ah, puis j'étais comme, fuck, mais la question qui est pertinente à ce moment-là, c'est que, est-ce que votre expérience est la même à toi et ton collègue? Est-ce que vous avez les mêmes. Vous avez fait les mêmes choix? Vous avez... Ben, lui, c'est un fou de la vie, dans le sens où c'est un gars motivé. Il fait de la randonnée pédestre, il fait ses propres pâtes. Toujours en non, c'est il plus... Il la vie, il essaie les restaurants. Non, pas tout à fait. Mais à chaque choix qui se fait donner dans ce jeu-là, il essaie les deux. Au fur et à mesure. OK. On créerait moi qui joue, qui fait la série Lou Ardent. Ah oui, hein? Dont vous êtes les héros. Okay. J'essaie toutes les options. Sauf que là, c'est pas juste de mettre ton doigt dans la page. Ouais, non, c'est ça, pas, c'est là. Ça, exact. Excuse, ouais, vas-y. Il est capable de me décrire c'est quoi les deux options, puis à chaque fois, je suis comme, me semble qu'il y en a pas de bonne. Non, il y en a jamais de bonne. Tu sais, il y a pas comme de choix que tu fais comme dans Lou Ardent, tu dis, ça, c'était le bon choix parce que j'ai maintenant eu un épée plus deux. Et t'as sauvé le Summerlund. Ouais, ouais. Exact. Wow. Ou, tu sais... Je me souviens toujours du livre dans lequel tu pognes un arc qu'après ça, quand tu tires la flèche, tu fais juste caler la partie du corps que tu veux que la flèche elle arrive, puis insta-kill à chaque fois. My God. Si tu fais ce choix-là dans ce livre-là, pour tous les autres livres après, tu fais un headshot avec ton arc à toutes les créatures que tu rencontres. Oh, wow. Tenez-vous là pour dire. Donc, il y a clairement... De quoi passer la série sorcellerie en deux secondes? Fait que tu headshot toutes les mages! Il y a clairement des bons choix, mais dans Walking Dead, il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas de bon choix. Il y a juste le choix avec lequel tu as le moins de problèmes, genre. Mais ouais, c'est ça. Tu as le moins de problèmes puis que t'es triste plus longtemps, en fait. Il y en a où tu peux te passer de la situation un peu puis pas être trop triste, juste être comme fâché de la situation, mais la plupart du temps, si tu veux avancer, il faut que ça soit triste. Et c'est ce qui fait un bon jeu, parce que à un moment donné, faire des jeux pour que tout le monde feel good tout le temps, et là, par là, j'entends tous les autres jeux que Walking Dead, finalement. C'est des jeux où le tutoriel te prend par la main, où le power-up est tout le temps là, t'as des medkits un peu partout. Un jeu conçu pour te faire feel good, il y a pas juste ça dans la vie. Il y a beaucoup d'autres émotions et le jeu vidéo n'atteindra pas sa maturité puis son espèce de Silver Age là, tant qu'on n'aura pas, on voudra pas exploiter ces idées là. Et Walking Dead, si vous l'avez pas joué à la maison, c'est un crime. C'est vraiment incroyable. Préparez-vous, tu sais, quand même, préparez-vous psychologiquement là. Tu sais, faut que tu joues à ça dans une méchante bonne semaine. Ah, Chris, moi, j'ai rien que des mauvaises semaines. Ça va bien à la job, ça va bien à la famille. C'est impossible que tout aille bien en même temps. Cash, mon gars. Mais si jamais ça arrive. T'as des ristournes de Desjardins. 10$. Tu sais, le mois des ristournes joue. C'est là. Mais j'ai d'ailleurs vraiment hâte parce que Telltale va faire une série épisodique dans l'univers de Borderlands. Oui. Tales from the Borderlands. Un prequel, je pense, hein, c'est ça? Ça se passe dans le même univers. Okay. Si je me trompe pas, après le deuxième, ouais. mais sur la même planète, et c'est Handsome Jack qui te donne des missions. Puis les deux sont comme des crosseurs, mais de façon différente. Okay. Puis ils en ont parlé justement à PAX, je trouvais que ça avait l'air super intéressant. Puis justement, ouais. après le traitement que ces gars-là ont fait de l'univers de Walking Dead, moi je me dis, tu sais, Borderlands, c'est drôle, ouais. mais tu fais quand même exploser des têtes de gens ouais, à répétition. Ouais. Fait qu'il y a un potentiel macabre là-dedans. Ouais. Fait que ça pourrait être intéressant s'ils font un traitement. Mais c'est du noir aussi. Fait que ça risque de bien fonctionner. Ouais. Là. J'ai vraiment hâte à ça. Mais moi, Walking Dead, je venais à dire, dans le fond, que, t'sais, j'ai une fille de 5 ans. Ça va sur ses 6 ans. Ouais. Elle a pratiquement le même âge que Clémentine. ouais. non, c'est non. épouvantable, ça, mon gars. Puis c'était juste à dire à tout le monde qui va jouer à l'épisode 1, si vous n'avez pas joué encore, là, comme Frank a dit tantôt, chien. Je vais juste dire ça. Quand vous allez y arriver, là, faut que ça soit une crise de bonne journée. Parce que ça va mal en maudit. Là. Oh, ouais. Tu penses que ça va pas mal, mais ça va encore plus mal, et plus mal, et plus mal, et plus mal. Dans le fond, quand vous jouez à ce jeu-là, mettez en loop Happy de Pharrell oui. sur votre ordinateur. Ça ou la toune de bonus stage de Balloon Fight. Ouais, ou garde-toi un mec kids de brancher ouais, pas loin. Là, pour faire des pauses. Là. Ouais, ah ouais, ça il faut, là, ça n'a pas de sens. C'est ça. Ou tu peux aussi faire comme moi, balancer en mangeant des nerds en même temps. Parce que quand tu manges des nerds, c'est le fun, puis ça t'arrête un peu dans ton expérience et que t'es moins déprimé. Ouais, mais là, t'as un rush dessus, faut que tu le gères parce que t'as un down ouais. après. tu joues un bon 45 minutes, tu prends les bonnes décisions, puis à manier tout, t'es comme. C'est vrai, faut que tu prends des là, speed. Là, ça va me rendre gros, là. que je me vienne en Bref, avant de jouer à Walking Dead, consulte un pharmacien. Ouais, parlant de nerds, histoire de bien faire réaliser à tout le monde qui écoute à quel point j'ai des problèmes de jugement graves dans la vie. Oui. J'ai un conseil pour les nerds pour tout le monde, une tranche de pain baguette, du beurre puis des nerds. Ah man. Ah ouais, c'est vraiment bon. Je prends note. Okay. C'est vraiment. Qu'est-ce que tu faisais au cégep pour avoir essayé ça? c'était même pas au cégep, c'est encore mieux que ça, c'est dans un c'était hier. Non. Chez nous. C'est dans un souper entre amis où on était tous des adultes okay. et à un moment donné, il y a quelqu'un qui avait des nerds, puis on s'est dit "Hey, on va essayer." Et depuis ce temps-là, on adore ça. Puis quand on est ce gang-là, il y a tout le temps quelqu'un qui apporte des nerds. Puis on essaye, tu sais, des deux saveurs. Ou tu sais, on varie un peu. Wow, on a du fun. C'est bon, ça. C'est comme du caviar. c'est voilà. Non, de l'air. Si on avait des sushis bonbons à faire, ça serait le caviar aussi. oh my God. C'est pour quand t'as eu des mauvaises ristournes des jardins, là, ouais, t'as ouais. eu une pièce au lieu d'avoir 10 piastres, tu fais des sushis bonbons. Après ça, ça ou tu payes du beurre et des nerds. Exact. Ben oui. Hey, puis c'est ça, mon autre jeu que je voulais parler rapidement, ce soir à Monsieur Ness, j'ai critiqué Deception 4 Blood Ties. Oh, c'est-tu bon? Ben, c'est bon, mais comme j'ai dit, c'est une bonne distraction. En fait, c'est pas un mauvais jeu, loin de là, c'est juste que c'est très répétitif. T'sais. Tu ben fais oui, pas mal tout le temps la même affaire, mais c'est ça, Deception. C'est ça, Deception. c'est vraiment ça, Deception. À quoi tu t'attendais? ben, c'est ça, je pensais que. Je sais pas, je pensais que la série irait un peu plus loin que Trap, puis finalement, c'est, non, en fait, c'est pas ce que ça a moi, fait. Moi, j'y ai pas joué, mais je fais juste constater, je pense que ce qu'on va célébrer dans Deception, le nouveau Deception, c'est, oui. c'est que c'est un nouveau Deception. Oui. Genre, pour une nouvelle génération de consoles, une vieille nouvelle génération de consoles, oui. mais tu sais, la série est pas morte, on va fêter ça, puis oui. Ça va peut-être être mieux s'il y a des expansions, mais DLC, non, ou une suite. Mais en fait, c'est le fun. C'est un jeu qui est le fun, puis c'est... Pour expliquer au monde qui ne savent pas c'est quoi, Deception, c'est un jeu dans lequel c'est le diable qui veut revenir sur Terre puis envoyer ses trois servantes plus sa fille pour aller tuer du monde dans un château qui vont ramasser des... En fait, on va ramasser... C'est pas une bonne description. Bien compliqué, non, c'est pas une bonne description. Là. Essentiellement, la Deception, là, tu poses des pièges, tu tues du monde. Ouais, je sais. That's it. Mais faut savoir pourquoi. Mais en tout cas, bref, tu poses des pièges. T'es la fille du diable, puis tu poses des pièges. Puis les pièges là-dedans, ce qui est le fun, c'est que c'est pas gory comme jeu. C'est très arcade. Ouais. Fait que même quand quelqu'un se fait éventrer avec une grosse sironde, tu le vois pas vraiment se faire éventrer. Il est pas mort. C'est pas ça le but. Puis il bouge n'importe où, puis il revole. Fait que tu sais, c'est très c'est drôle. Ouais. Parce qu'en tant que personnage, le personnage principal ne peut pas interagir directement avec ses adversaires. Il doit poser des pièges. Et là, ouais. il faut que tu daisy chain tes pièges. C'est quasiment comme un jeu d'échecs, je trouve. Un piège emmène à un autre, emmène à un autre, emmène à un autre. Puis tu crées une séquence parfaite, puis que l'adversaire soit pas capable de la briser. Ouais. En fait. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand on dit ce qui est le fun du nouveau Deception, c'est que c'est un nouveau Deception. Est-ce que c'est l'équivalent de quand tu joues une fille, t'es une fille? Oui, hein, la fameuse phrase. Ben, qui t'interprète dans Deception, tu penses? Une fille. Une fille. C'est une fille. Mais en tout cas, c'est le fun, c'est sadique. C'est juste qu'à un certain point, il y avait 12 chapitres dans le jeu. Mm-hmm. C'est un jeu qui peut se terminer rapidement comme il peut se terminer lentement. J'aurais aimé ça un multi, ben franchement. Un multiplayer, un multijoueur, j'aurais bien aimé ça. Ils ont fait autre chose, hein? Je pense que c'est un mode de création. Ouais, ben c'est comme des leaderboards. Ça sert pas vraiment à grand-chose. Puis en plus de ça, ce qui est plate, c'est que dans tous les chapitres, en fait, tu vas avoir comme 3 niveaux. Puis si t'es rendu à la 3e étape du, je sais pas moi, 6e chapitre, puis que tu crèves, tu recommences la première étape de ce chapitre-là. Ça, c'est difficile, puis ça fait chier. Je suis un mauvais perdant. Moi. Parce que tu vas bad tripper à Deception, tu vas avoir des déceptions parce que c'est rough quand même. Puis des fois, t'as des gens qui se feront pas pogner par telle trappe. T'sais, comme si tu mets une trappe d'ours, puis que le gars, non, les trappes d'ours, moi, ça me fait rien. Fait que là, il faut faire que tu trouves d'autres moyens c'est créatifs. C'est de l'essai-erreur, tu le sais pas en avance. C'est ça, c'est vraiment de l'essai-erreur. Puis ce que j'aime dans le nouveau, en fait, c'est toutes les booby traps qu'ils ont mis un peu partout dans les niveaux du château. C'est ça qui est le fun. Tu sais, comme tes pièges à toi sont cool, mais ce qui se retrouve dans le niveau, c'est encore plus cool puis créatif, comme une espèce de tombeau dans le ciel. Ça descend, il y a une espèce de crochet qui descend. Ah non, c'est vraiment. Ça évanche le gars, ça le fait monter. J'ai juste vu les previews, puis il y a quand même une tangente érotique là, au final. Ça l'a toujours eu, mais là, t'arrives à une espèce de console HD, t'es comme, OK, ils sont allés à fond là-dedans. Là. Ben non, c'est de la torture porn. Exactement, exactement. Mais en même temps, c'est comme la torture porn avant la torture porn. Ouais. Ça fait longtemps que Deception existe, beaucoup plus que Hostel ou quoi que ce soit d'autre. Mais ce qui est drôle, c'est que Tecmo a été obligé d'expliquer sans cesse dans leur communiqué puis sur leur site web qu'est-ce qu'était Deception. Parce que tout le monde était comme... Deception 4? Quoi? Ça existe? Ben, tu peux plus faire de jeux niche. Là. On n'en est plus là. Non, c'est ça. Puis un gros point faible aussi au jeu, avant d'arrêter là-dessus, c'est que c'est un jeu de PS3 en fin de génération de la PS3, puis on dirait vraiment un jeu de début de génération de PS3. Ah ouais? Les loadings sont longs, puis le jeu non, est pas beau. Non, mais il est pas beau le jeu. Il est pas vraiment beau. Mais c'est un jeu qui est cross-buy. Fait que si tu l'achètes sur PS3, tu l'as sur PS Vita. Puis il y a des cross-save aussi. Dom, je te regarde, cross save, nouvelle affaire, PS Vita, PS3, fait que là, tu l'envoies sur le cloud, puis là, tu le rattrapes sur ton autre machine. Et ça, c'est plus en faisant les 5 étapes faciles inutiles. Non, c'est 5, c'est un piton. Ça t'est resté à travers la gorge. Mais beaucoup, oui. Il y a juste une synchronisation par jour, je pense, du cloud. Exact. Fait que ça se peut que t'aies à refaire une couple d'étapes manuelles si mais je suis habitué, moi. Quand je suis dans Next Gen, man, c'est update, recommence, plante. Papa, c'est clair. Si tu joues pas au moins une fois, mettons une fois par, tu sais pas, 4 jours à ta console, dès que tu l'ouvres, il y a une update qui passe. Je comprends pas. J'aimais pas ma PS3 avant parce que j'en jouais une fois semaine peut-être, puis c'était update après ben update. Moi aussi, après Chris, c'est rien que ça. Puis là, ben, je me suis désabonné d'Xbox Gold parce que Xbox Live Gold, parce que ben, y a plus rien, c'est plus intéressant. Puis voilà, je suis rendu sur la PS3 tout le temps, puis là, je me plains plus, il n'y a plus d'update. du moins, je les vois pas passer, en tout cas. Fait que tu joues à quoi, toi, ces temps-ci, Guillaume? Je trouve ça difficile de parler de ce que je joue sans vendre des punchs de ma série. j'avoue. Parce que t'as le droit de dire que tu joues à rien. Je joue sur mon téléphone et je joue à des jeux rétro. C'est principalement ce que je fais. Ça m'empêche pas d'acheter parce que là, en ce moment, les jeux anciennes générations, du moins current gen, mettons, sont tous en liquidation. Oui. Donc moi, je me rachète beaucoup. J'ai acheté Silent Hill HD, j'ai acheté Castlevania Lord of Shadows avec Mirror of Fate HD aussi. Ouais. Toutes ces espèces de compilations-là, je suis en train de me faire... J'ai acheté Street Fighter 4. C'est ça, je suis en train de me faire un stack. C'est ça, je me fais un stack en me disant et plus tard. Ah, totalement. Mais je sais que ça s'en vient, ce plus tard-là, ça s'en vient pour vrai, concrètement. C'est non. Juste... Non, à un moment donné, tu vas avoir une blonde puis des enfants puis tu vas faire comme Colin, j'avais un rêve. Au moins, tu vas pas les regarder dans ta bibliothèque dire voilà. J'ai ça. Non, non, mais même. Ah, c'est vrai, tu les achètes en vrai, tu les achètes pas en digital. Moi, je les achète en vrai. Ouais, mais même là, moi, là, j'ai la pile des jeux que j'ai fini et la pile des jeux que j'ai pas commencé ou pas fini. Puis j'avais ça pendant des années de temps, célibataire ou pas. Enfant à maison ou pas, peu importe. Te dire, c'est pas cher, je vais y jouer un jour. Je suis désolé de t'apprendre ça, mais c'est se mentir à soi-même. J'y arrive. Faut faire attention. J'y arrive. Ça dépend aussi si. Mais moi, je l'achète quand même. Mais c'est parce que le critère à mener, c'est. Bon, là, évidemment, c'est de moins en moins pertinent, mais je veux dire, comme la location du jeu, mettons, ça se faisait jadis. Il y a juste Bruno Québec. Location, man. Si ça coûte. Vive la location. Si ça coûte aussi cher qu'une location, je vais l'acheter ton jeu, puis je m'en fous si je joue jamais, dans le fond. Exact. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tu sais, un jeu en bas de 10$, là, je regarde même plus, je l'achète. Mais je te dirais, donne-toi une limite. Dis-toi à c'est X vrai, nombre de jeux que j'ai pas encore essayé, même s'il y a une pièce, je vais au moins aller en essayer un que j'ai déjà acheté au lieu de mettre une autre pièce. Moi je dis, mets-toi une limite d'argent à la place. Parce que moi, c'est ça que je fais. Parce que tout ça ici, c'est clair que j'ai pas joué à tout ça. Ouais, mais c'est là, je me dis. Le gars qui a un magasin de jeux usagés qui parle. Là, ouais, mais même avant ça. Ouais, mais c'est ça, toi, ce qui se passe, Dominique, c'est que tu t'es conçu une excuse. Si t'achètes le jeu, tu joues jamais. Moi, je peux le mettre dans la boutique. Puis ouais, ça va pas. Non, ben, j'ai bien. Il y a des jeux que je garde, des jeux que je vends. Puis il y en a que je garde par amour, tu sais, même si je joue jamais, là, dont tous les jeux Atari. Mais oui. Mais c'est ça, moi c'est plus c'est parce que l'argent c'est par mois. Mais peu importe, tous les conseils que vous me donnez, je les ai déjà entendus dans ma propre voix, dans ma propre tête. Je veux dire, c'est pas, on n'invente pas la roue. Laquelle voix? Et ce qui arrive, c'est le temps. Tu joues le jeu. Tu joues le jeu. Ok, ah oui, c'est un jeu. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a le plaisir de collectionner, il y a le plaisir de magasiner et d'acheter. Il y a des gens qui collectionnes-tu, toi? Ben oui. Ok. T'as pas écouté, moi? Je l'écoute, mais je vois une bibliothèque en arrière. Ben oui. Mais je vois beaucoup de jeux Famicom. On se demande si c'est un drap imprimé ou si c'est vrai. C'est des posters d'images de collection. En fait, c'est un drap vert et il prend une bibliothèque de Papa Cassette qui met en post-prod. Voilà. Mais en tout cas, beaucoup, genre, en tout cas, nous sommes tous, quand même. Et un peu de tout, si bien que je tire peut-être un petit peu dans toutes les directions. Ouais. Moi aussi, c'est mon problème, en fait. Tu finis par te dire... Gang de perdu, pas de direction. Oui, mais un moment donné, tu finis par te dire, j'aimerais peut-être me concentrer sur une seule console, quitte à, tu sais, comme avoir cette espèce de rêve impossible d'avoir tous les titres d'une console donnée. Mais c'est ça le trouble avec le rétro, le trouble que vous avez maintenant avec le rétro, comme, tu sais, moi puis Frank, dans le fond, on a comme 3 consoles, si ça se trouve, ou 4, puis ça finit là, tu sais, 5. Mais vous autres, vous n'avez comme une bonne dizaine. Et en plus, je vais m'acheter une Rétro 5. Beaucoup de... C'est comme se tirer dans le pied. Si tu réussis, ça peut sortir un jour. Là. Mais non, ça. Pour 1 million de dollars, parce que le prix augmente. Ouais, le prix augmente de 40$, je pense. Mais, mais c'est le fun d'avoir le choix, par exemple. Quand aussi. Même. Bref, si on est pour arriver à ce que je joue, j'ai une passe de jeux de. Comment on appellerait ça? Des jeux de match-up, des jeux où il y a plusieurs personnages de plusieurs jeux ensemble. J'ai commandé sur eBay et j'ai reçu YY World 1 et 2 pour la Famicom. Et donc, des jeux où les héros de la Famicom, genre mi-80, mi-années 80, sont tous ensemble dans un jeu. T'as genre Mickey de Goonies. Comment il s'appelle, mon Dieu, le personnage principal de Contra. Il y a un nom, ce gars-là. Bill Reiser, c'est ça, qui est là. T'as le personnage de Getsu Fumamaden. Bref, un paquet de personnages et tu les choisis un par un pour. Peu comme Ninja Turtle, tu choisis ton Turtle pour finir tel niveau. C'est comme l'ancêtre de Disney Infinity. Là. En quelque sorte, Mais c'est comme Mario Bros qu'ils ont fait avec Mega Man puis Simon Belmont. Puis c'est un peu dans ce style-là. Exact. Et il y a un autre jeu que je n'ai pas encore reçu, donc je peux pas dire que j'y joue, mais que je l'attends avec impatience. Et aller voir ça à la limite à la télévision, c'est genre Dream TV World Fighter ou World Fight Dream TV, whatever le nom là. Japonais, cherchez ces 4 mots-là, il va sortir un résultat, ça va être ça. Et c'est un jeu conçu par Bandai, je suis pas sûr. Mais c'est surtout une compagnie de jouets qui est derrière ça. Et donc, ça te permet de faire jouer genre la Barbie du Japon contre les Transformers. My God. Contre, et c'est un genre de Smash Bros avec d'autres licences qu'on n'est pas habitué de voir. C'est cool. Est-ce que c'est Dream Mix TV World Fighters? Exact. Je t'avais dit les 4 mots. C'est ça que j'ai fait. Ah ouais, là je vois Bomberman, je vois Optimus Prime. Mais là, attends, est-ce que c'est légal, Pokémon? Ce jeu-là, ou c'est oui, parce que c'est la compagnie Takara. C'est la compagnie Takara qui a toutes ces licences-là, que juste a fait son propre mix-up. Puis c'est ça, c'est comme des licences qu'on est, ben, pas qu'on n'est pas habitué de voir en Amérique du Nord. Oui, on est habitué, surtout les Transformers. Il y a vraiment comme le fait que tu peux jouer comme Optimus Prime et Megatron contre Bomberman et Barbie. Là, mais elle s'appelle pas c'est Barbie, génial, là, mais c'est en génial. Fait, ce que je vois dans les logos, je vois Konami, Takara et Hudson. Puis c'est au GameCube au Japon. Et moi j'allais sur PS2. Ouais. Mais j'ai commandé sur PS2. Exactement. Mais, et okay. Donc, malade. C'est mon gros plaisir ces temps-ci, les jeux qui mélangent les héros. Et pas les plus récents. Genre Sony, PlayStation All-Stars, je vais passer mon tour. Le nouveau Smash Bros. Qui sont en train d'essayer de nous chauffer. J'aime pas ça, moi, Smash Bros. Je ne serais pas tant que ça. C'est un peu trop simple. Je sais pas, il y a quelque chose. Non, t'as jamais joué avec quelqu'un qui avait du talent et qui connaissait le jeu. Super Smash Bros, c'est le jeu parfait qui, justement, tu le prends, là, c'est comme, oh, y a rien là. Après, ouais. Tu joues contre quelqu'un que ça fait 6 mois qu'il joue, il te sac une volée, pis t'as aucune espèce d'idée de ce qui s'est passé. Il y a juste comme un blur et t'es mort. C'est ça. Il y a des tournois de Smash assez impressionnants, pis ça continue. Parce qu'il y a une profondeur de fou. Mais oui, les mécaniques de base sont simples, mais. Mais non, c'est très complexe comme jeu. À la maison, vous avez tous déjà eu ce speech-là, j'imagine, par des gens. Il a changé Smash Bros. Par je sais pas quel jeu, Dead or Alive. Hein? C'est facile. Ouais, là, mais c'est pas facile parce que si tu sais ce que tu fais, tu peux comme reverse counter n'importe qui. Ouais, mais tu sais, tantôt ta réaction par rapport à Deception, tu disais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau Deception. Je te dirais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau Super Smash, tu sais. En effet, ça là-dessus, je suis d'accord. Oui. C'est bon parce que la série évolue, il l'amène un peu plus loin. Puis, ce qui est. Oui. Ah, ok, je pensais qu'il faisait juste rajouter du monde, moi, là-dedans. Non, il rajoute pas juste du monde. Puis, il rajoute des features. Reggie, finalement. C'est pas fait encore. Il y avait une campagne de. Mais il y a une campagne pour ça. Ça serait bien intéressant quand même. Mais il servirait finalement à quelque chose. Ben. Hater! Ben oui. Mais non, Le style de personnage éteint maintenant. En tout cas. Sinon, je Shin Megami Tensei sur iOS. Pas mal ça, je fais ces temps-ci. Ouais. Bon, oui. Excellent. Ouais. All right. Fait qu'on va prendre une petite pause. Ben on va prendre une petite pause. On a parlé pas mal, là. Ça, ouais, déjà. Puis c'est à Frank de caler la musique cette fois-là. Ouais. The Heavy Short Change Hero, qui est la toune du générique d'introduction de Borderlands 2. Il était un groupe que j'adorais déjà énormément parce que je trouve que l'album est puissant. Puis quand Borderlands 2 a commencé puis que je l'ai parti pour la première fois, c'est un des rares jeux que j'ai écouté l'intro au complet. Parce que quand le riff de guitare est parti, malade, j'étais instantanément en amour avec l'intro. Ouais. On y va avec ça. Yes, à tantôt. Who's better? Vous voulez acheter du rétro, mais vous savez pas par où commencer? Allez sur papacassette.com pour trouver à peu près tout ce que vous voulez pour le jeu rétro. Du NES au Atari, au PS2, n'importe où, n'importe quand, Papa Cassette est là pour toi et peut te vendre n'importe quel jeu. Papacassette.com. Des écouteurs? Des équiquiquis. Hey, on est de retour, Basti. On est de retour? Ouais, on est de retour. Bon, c'est, ce nouveau segment est présenté par Zardoz. Voilà. C'est notre dieu, Zardoz, ici. Fait que là, ce qu'on va faire, on va faire un genre de petit tour de table, puis on va... on va arranger ça tantôt. On va... Attends un peu. JF, il y a comme un écho là-bas, ça se peut-tu? Oh, continue, je vais aller fermer le speaker. C'est bon. Ben oui. Oh. Fait qu'on va faire un tour de table, puis on va chacun, pour en apprendre un petit peu plus sur quel genre de gamer on est, on va dire quel genre de jeu qu'on préfère, puis quel genre de jeu aussi on pense qu'on qui s'essouffle pour avoir une genre de petite discussion. Tu sais, parce qu'on est là pour ça, barnac. Ben oui. Fait que, Ah ouais? Hein? Quoi? Hein? Quoi? Y a quelqu'un qui voulait dire de quoi? J'ai entendu, mais... Tout le monde. Ah, OK. Tout le monde a de quoi dire. Là, arrête, là, tu viens de poser une question. Je pense que c'est lui qui a dit, mais j'ai pas dit ça. C'est-tu que je suis mauvais pour starter un bloc? On va commencer avec nos invités, parce que ouais, en même temps, moi et Bruno, les gens nous connaissent déjà pas mal. Ouais. Fait que, vas-y donc... Ils sont tannés, nous autres, là. Ils veulent entendre de la nouveauté. Vas-y donc, mon Frank, quel genre de jeu que t'aimes? Moi, je prendrais plus l'approche inverse. Les jeux que j'aime pas. Ouais. Parce que je suis le genre de gamer qui... Qui déteste. Ben, je suis un gamer, mais en tant que je déteste. Ça vient d'un facto. Dans la vie, t'es un gamer, tu détestes. Un hate Internet gamer, that's it. Et la preuve de ça, tu sais. Ah oui, ah oui. Et d'ailleurs, si je déteste des choses que les autres aiment, je suis automatiquement un gars absolument suppôt de Satan. Un guenille, ah oui, ah oui. J'aime pas les jeux de sport. Bon. J'ai jamais été fan de jeux de sport. Oui. Puis pourtant, il y a des sports que j'aime regarder, mais... J'aime pas mais y les jouer sports t'ont jamais approché. Et non, mais il y a même pas un sport en particulier que t'aimes jouer. OK. Oh! Même pas un petit NHL 94. Ouais, quand même un peu. Non, mais tu sais, si j'ai une situation. Ouais, si t'as pas le choix. Là. Si j'ai une opportunité quand je coop NHL 94, je vais trouver ça le fun. Ouais, okay. Je vais pas me forcer pour créer cette opportunité-là. Pas toi qui vas aller l'acheter, mettons. Non. Comme moi, mettons, mais ma série, quand je veux jouer à un jeu de sport, c'est Virtua Tennis. Okay. Virtua Tennis, depuis le premier, je capote. J'adore ça. Je triple là-dessus. Okay. Sauf que... Mais j'ai jamais dit ça. Avec un air de dégoût d'homme qui me regarde. OK. Tu m'as pas dit ça. Ce podcast en vrai, est dans fini. Chambre, calé. C'est terminé. Rétro Nouveau, c'est terminé. Désolé. Ah, je connais pas ça, Virtua Tennis. La semaine prochaine avec un autre programme, là. Non, mais non, Virtua Tennis, c'est bon. C'est une vieille série de Sega. C'est très arcade. Mais Virtua Tennis sur le Dreamcast, c'est le premier jeu que j'ai regardé. Tu sais, du coin de l'œil, tu dis, on dirait que c'est la TV qui joue. Tu sais, c'est comme, ah oui? Vraiment, là, c'était incroyable. Pour l'époque, c'était superbe. Et c'est ça vrai. A dû juste augmenter, je sais pas. Oui, bien, sur la PS Vita, Virtua Tennis, c'est un des jeux les plus impressionnants. Mm. Là, ça va ressembler un peu à MLB The Show, qui est très impressionnant aussi graphiquement. Mais moi, les jeux de sport, en fait, un peu comme toi, j'aime pas vraiment ça. Ben moi, je les aime style arcade. Le dernier que j'ai joué, c'est NHL 2003, ouais. Je pense. Puis je m'étais monté une équipe, tout ça. Mais à cette heure, c'est compliqué. Là. Mais il y avait 3-on-3 aussi qu'on aimait beaucoup, oui, qu'on ça, a joué une couple de fois, qui est le fun. Hit the ice. J'ai lu sur le bout de la langue depuis tantôt, Hit the ice. Il y avait un mode RPG dans Hit the ice. Pour vrai? Malade. Shit. Mais sinon, c'est ça. Gros fan de RPG. De façon générale, gros fan de shooter. Oui. Gros fan de jeux... tu sais, RPG, autant ceux qui sont action RPG que ceux qui sont plus RPG traditionnels. Ouais. Tu sais, comme un Blue Dragon ou un Borderlands, tu sais, qui sont les deux RPG-esques, mais des styles complètement différents. C'est quoi le jeu qui a commencé à te faire triper sur les RPG? Comme le premier jeu que tu as joué que tu as fait, oh wow, c'est mon genre ça. Je dédie cette réponse à Benoît Gagnon. Ouais. Chrono Trigger. Il fallait que ça sorte. J'ai fait le tour de ce jeu-là, je sais pas combien de fois. Ah ouais, et à cette époque-là, je jouais pas au Final Fantasy du tout. Ça me répugnait presque, ces jeux-là. Oui. T'sais. J'avais un peu la même philosophie que Denis Talbot là-dessus. +2, -1, t'sais, niaisage. Oui. Je fesse dans le vide, ça sert à rien. Mais j'ai tellement eu de fun à Chrono Trigger. J'ai fait le tour de ce jeu-là plein de fois. Oui. Puis... J'aimais ça aussi, les jeux où... puis là, je vais me faire ailleurs de tous les fans de Final Fantasy, là, mais où j'avais l'impression que je rentrais plus dans les personnages. Final Fantasy, je trouvais que ça avait l'air dry un peu. Mais oh, ça a commencé aussi. Non, mais j'ai quasiment pleuré en jouant à Final Fantasy. C'est dans sens quand t'es là, se sacrifie, man, mais en faisant météo. Pour avait... rien! J'ai quasiment... Je sais pas pourquoi je... Palom puis Porom qui se transforme en roche. Je pense que c'est surtout une question de facture visuelle à cette époque-là. La facture visuelle m'intéressait pas, mais pourtant, tu sais, j'ai fait Earthbound, j'ai fait Secret of Mana, j'ai fait, tu sais... Fait que j'en aimais des RPG dans ce temps-là. Mais le premier qui m'a starté, ça a vraiment été Chrono Trigger. Sais-tu pourquoi? Il n'est pas sprite-based. Il est comme, les décors ne sont pas faits à la main, mais sont vraiment, il y a comme une différence vraiment souvent. Tu parles de facture visuelle. Puis là, on passe de, mettons, Final Fantasy V à 6, qui est un petit peu moins sprite-based. Il y a déjà des trucs un petit peu plus uniques. Puis à Chrono Trigger, qui est, a l'air d'être complètement unique. En tout cas, la plupart du temps, là, les décors sont vraiment tout le temps différents. Donc, tu as l'impression d'être dans un univers qui a été créé, qui existe, en fait. Genre, tout simplement. Puis sinon, un peu de jeu de course, mais il faut que ce soit plus arcade. Okay. Les jeux de simulation de course, j'ai pas le temps de conduire dans la vie, donc clairement, conduire m'intéresse pas dans une facture réelle. Ouais. Mais un bon jeu de course style arcade, les Burnout, là. Oh, tellement man, de fun avec ces jeux-là. Le mode. Bien que on va aller fumer un bat dehors. Deux chevreuils au milieu de l'autoroute, les deux mais, comme. Mais c'est parce que Burnout, évidemment, le mode. Là, le mode crash. Ben, c'est ça, exact. Hein, c'est ça se fait comme ça. Parce que, et là, ça m'a c'était parce que moi, c'était peur, hein, mourir dans un accident de voiture. C'est une idée vraiment pas agréable. Et le crash, c'est juste ça. Mais oui, c'est bien c'est ça. C'est de créer des accidents. Et là, j'étais comme... Tu peux pas avoir la conscience, tu sais, comme développer un mode de jeu comme ça, avoir la conscience tranquille, puis on a passé du temps ici de regarder, puis il n'y a pas de conducteur dans les voitures. Non, il n'y a pas de conducteur. Et c'est une crise de bonne décision. Ben oui, mais moi, ce que pas de photo du désastre. Non, c'est ça, y a comme, en fait, il n'y a pas de désastre, c'est comme une espèce de, c'est l'accident de voiture idéal. Ah oui, c'est juste drôle. C'est bizarre comme concept, mais ouais. Puis vraiment, moi, c'était les courses où j'avais du fun, parce que ce jeu-là te récompense si tu conduis dangereusement, mais il faut que tu gères le risque. Oui. Puis, oui. Gérer le risque, pour moi, c'est comme un problème mathématique avec des équations très nettes et très claires. Exact. Puis mon cerveau cartésien adore ça. Et en plus, les trames sonores de ces jeux-là étaient souvent très intéressantes. Je me souviens toujours, il y a un soir, on faisait une soirée un peu arrosée, puis on se donnait des défis à différents jeux. Et après quelques consommations, quelqu'un qui m'avait mis au défi de faire une course de Burnout en tenant la manette d'une main avec ma main gauche. Et j'avais réussi à gagner pareil. Oh, nice! Yes. Excellent. C'est un bon défi, ça, avec la main gauche. Mais ce qui est difficile avec une main, c'est que tu te rends pas nécessairement jusqu'au boost. Ouais. Fait qu'il faut que tu fasses la course sans boost. Hey, shit! C'est pas évident. Mais non, c'est ça. Et je veux qu'il s'essouffle. Ouais. Moi, instantanément, ce qui me vient en tête, puis encore une fois, là, je vais me faire haïr, mais je suis habitué, c'est correct, c'est les shooters. Ouais. Okay. Parce que j'ai été pendant super longtemps un gros consommateur de shooters. J'ai acheté plusieurs Call of Duty jusqu'à temps qu'ils se mettent à refaire le même jeu 12 fois où là j'ai décroché un peu. Ouais. Et j'ai acheté toutes les Battlefield sauf le dernier. Ok. Ouais. Oui, ok, tu peux détruire un building maintenant, puis le gars qui est dans le building, il tombe en bas, puis là, faut qu'il saute, parachute, puis tout le kit. C'est cool, c'est plus d'immersion. Mais j'ai quand même l'impression que c'est comme plus la même affaire, encore là. Puis ça vient rejoindre un peu billet que t'as mis sur le blog de Rétro Nouveau où tu disais il manque de couleurs dans ma vie. Là. Oui. Mais c'est tous des jeux gris. Ouais. Y en a. Tu sais, j'aime un Borderlands. Là, il y a plein de couleurs. Il y a plein de joie, de bonheur, de gens qui crient. C'est un shooter, mais qui est pas gris, puis qui est pas dans un monde post-apocalyptique. Mais c'est surtout un shooter qui est original, qui essaie de sortir de l'enveloppe un peu. Puis moi, c'est ça qui m'énerve des shooters d'aujourd'hui, c'est que c'est tout le temps shooter de guerre, shooter de guerre, shooter de guerre, shooter de guerre. Shooter de rhum, shooter de guerre, shooter de jack, shooter de yaga. J'aime ça, un bon shooter de yaga. C'est dangereux, par exemple. C'est dangereux. C'est un goût complexe, c'est le fun. Ouais, non, j'adore ça. Mais c'est un genre maintenant, les jeux de guerre, puis être le plus réaliste possible. Puis tout ça, je trouve qu'avec tout ce qui se passe dans le monde. Moi, je trouve que ça devient de plus en plus difficile pour moi de jouer à des trucs réalistes de même. C'est comme si je jouais justement à un jeu, mettons, de... Ben là, tu joues à Walking Dead, là. Oui, mais c'est ça, sauf qu'à Walking Dead, au moins, il y a un problème éthique dans Walking Dead. Ça soulève des problèmes éthiques dans Walking Dead, alors que dans un Call of Duty, les problèmes éthiques sont réglés pour toi automatiquement. Ouais. En fait, on propose un streamline, puis les décisions sont prises pour toi. T'es un grunt. Ben, y'a-tu des décisions aussi? Tu tues du monde, puis t'avances. Mais, c'est pas non, mais ça, d'après moi. Un des problèmes que j'ai... Tu chats dans le genou, tu chats dans la tête. Un des problèmes que j'ai avec les shooters aussi, c'est que je trouve qui essaient de plus en plus de se trouver des histoires. Ouais. Ah, les gars qui écrivent ça red, hein? sont désastreux. Le meilleur exemple, je trouve, c'est la série Killzone. Ouais. Plus que cette série-là avance, plus que je me dis, non, mais dans le fond, les pas fins, là, c'est nous autres. Ouais. On n'arrête pas d'essayer de faire un génocide sur l'autre gang au complet. Ouais. Puis on est pas content parce qu'ils sont fâchés. Peut-être que si on arrêtait d'essayer de les tuer tout le temps, puis de démolir leur planète, puis de les relocaliser, puis de... peut-être qu'ils arrêteraient d'être fâchés. Ils ont joué sur cette thématique-là, justement, dans le jeu qui a été sorti sur Vita. C'était Mercenary, il me semble. J'ai critiqué à Monsieur Net. Puis ils jouaient justement avec ça, avec le fait que c'est peut-être pas les Hellghast, les méchants, c'est peut-être toi le cave qui essaye tout le temps de les éliminer. Mais ça, c'est donc super ça, intéressant en fait, quand même. Que ça prenne, genre 5 jeux pour en arriver là, c'est ouais. un peu un problème, mais c'est un sujet super intéressant. Ouais, parce sauf que comme de fait, les fans de la série n'ont pas aimé ce storyline. Mais t'as aucune envie de jouer le méchant si c'est pas ce que t'as payé pour. Là. J'ai commencé le dernier sur PS4. Oui. Puis quand j'ai vu que... Là, spoiler alert, si vous avez pas joué plus que 30 secondes à ce jeu-là, mais dès que vous avez fait 5 minutes... Shit! tu sais, t'es un petit cul qui essaie de se sauver avec son père, puis ils ont donné la moitié de la planète aux supposément pas fins parce qu'ils ont détruit leur planète. Puis tu fais comme, ouais, mais me semblait que c'était le but dans l'ordre de détruire la planète. Puis là, on avait des remords, fait qu'on leur a donné la moitié de notre planète. Puis là... Après qu'il ait donné la moitié de la planète, les gens qui habitaient dans cette moitié-là, faut qu'ils se sauvent clandestinement. Ouais. Puis t'es comme, oui, mais c'est nous qui avons donné la moitié de la planète. Pourquoi on n'a pas évacué le monde avant? Puis là, bien sûr, toi, avec ton père qui essaie de sauver, ton père meurt. Mais il y a un super soldat pas trop loin qui vient t'aider. Ouais, ça, c'est et sûr. Et qui te recrute et que tu deviens un super soldat. Je suis comme, les gars, là, le dernier Rambo a un meilleur scénario. Ah, certain. Come on! Ouais. C'était pas terrible. Non, c'était pas terrible. Fait que c'est, j'ai ce problème-là avec les shooters depuis quelques temps où je trouve que c'est, tu sais, à part que les Hellghast ont pas le même outfit que les parfums dans l'autre shooter d'à côté. Ouais. Mais là, nouveau Wolfenstein, là, ça a l'air cool, ça. Ça m'intéresse parce que je suis nostalgique des anciens Wolfenstein, mais je suis pas mal convaincu que si t'avais écrit n'importe quel autre titre sur ce jeu-là, il m'intéresserait pas. Ouais, c'est ça. Hein. Mais il m'intéresse parce que Wolfenstein, parce que ça vient chercher ma fibre de gars qui a joué au vieux Wolfenstein. C'est ça. Puis cet univers-là m'intéresse. Là, en même temps, ça va être nouveau complètement. Là, ça va être vraiment propre, ça va être next-gen. Fait que probablement que cette attache-là que t'avais... au départ, elle sera pas là dans le nouveau parce que ça va être trop beau, trop réaliste, trop ci, mais trop c'est ça. J'ai tout l'espèce de steampunk que j'aime j'ai dans ça. J'ai vu Wolfenstein au PlayStation 2 ou 3. Il y en a un, là. Oui, il y en a un. Il y en a un, mais si tu demandes aux gens qui aiment la série, ils vont exactement dire qu'il y en a pas. PlayStation 3, il y en a un sur Xbox 360. J'ai vu au EB Games, là, Wolfenstein, puis il y a genre personne qui en parle. Ça a pas été bon. OK, OK. Syndicate, t'es meilleur. Je sors mon nom en l'air, c'est un jeu que je joue pas, man. J'ai eu une bonne expérience en coop en ligne sur Syndicate. Ouais. C'était ça le fun. Joël Martel du défunt podcast Fun Jouer Jeu, si il nous écoute, en avait bien parlé il y a très longtemps. C'est vrai. Puis ça m'avait allumé. Syndicate, ça me fait penser à XCOM, qui est une autre franchise qui date de Mathusalem et qui est un autre genre de jeu que j'aime bien. Mm-hmm. Les jeux de stratégie où tu contrôles un squad. J'aime ça, mais je suis pourri. Moi, je trouve ça très long. Non, parce que je joue jusqu'au bout où je pogne comme mon Waterloo, puis je fais bon, là, j'ai tiré ce que je voulais du jeu. Parfait. Mais XCOM, c'est normal que tu pognes un Waterloo. Ce jeu-là est designé pour que tu pognes plusieurs Waterloo, puis que là, tu recommences une game. Puis tu dis, Waterloos. OK, maintenant, je sais qu'à ce moment-là, il faut que je fasse telle autre affaire ou que tel autre truc est plus prioritaire. Puis c'est une affaire que j'ai adoré de la réédition qu'ils ont faite. Parce que oui, ils ont simplifié tout plein de concepts, mais de toute façon. S'il avait ressorti le même jeu que dans le temps où t'avais un squad de 24 gars à contrôler, ça aurait pris une demi-journée faire une map, personne n'aurait joué, tu sais. Fait qu'ils ont simplifié tout plein de trucs, mais ils ont quand même gardé l'aspect punitif du jeu et l'aspect justement hyper stratégique que tu peux pas, ou en tout cas, c'est à peu près impossible que tu réussisses ta première game. Ouais. Tu vas échouer ta première game, puis c'est correct, c'est normal. Exact. Et maudit que j'ai eu du fun à ce jeu-là, à tuer des extraterrestres. Surtout vers... mais en fait, l'expansion qui ont sorti par après, qui était excellente, où tu pouvais tout d'un coup avoir tout plein de sortes de super pouvoirs sur tes soldats ou les transformer en mech warrior qui font 8 pieds de haut. Là. J'ai failli l'acheter sur iOS, j'ai comme été tenté, puis... Ouais, mais j'ai pas joué non plus, mais c'est ça a l'air que c'est une bonne translation, j'allais dire, je sais pas. C'est un bon port. Voilà. Et voilà, avec tout le monde ensemble. On aurait quasiment à faire un Pinky Wish. Un bon port! Un bon port! T'imagines la petite poubelle avec le feu loin de tout le temps. Ah, si tu veux sortir dans la ruelle, il y a probablement une poubelle en feu. T'aimes ton quartier, Dominique, c'est J'aime bien rire de mon quartier. Mais tout le monde pense que c'est l'apocalypse. Tout le monde pense que c'est terrible. Mais en fait, c'est sa tactique pour essayer de garder la valeur de propriété pas trop haute, fait qu'il paye moins de taxes dans la ville. Exact, exact. Dans le fond, c'est Détroit de Robocop 2, ton. Il y a des kids qui vendent de la dope, il y a des poubelles en feu partout. Ah, c'est de même, ma gueule. Fait qu'on devrait faire un Kickstarter pour avoir une statue de Papa Cassette, donc pour respecter. Oui, si tout fonctionne, une statue de Papa Cassette, ça serait pas pire. Ça serait écœurant, man. C'est la prochaine étape logique, dans le fond. Exact. Sur ton plan. Je pourrais faire fondre toutes mes Mario Bros de con. Puis on pourrait la faire en plastique. Une statue en plastique gris. À mouler, là, comme. Comme chose de Star Wars. Là. Ah, désolé, finalement, fait 4 pouces de haut. Ah, ben, faites juste mon pied. Projet épique. C'est le pied. C'est le pied de Papa Cassette. C'est une grosse statue. Fait que, conseil, fais ta face tant qu'à faire quelque chose. Ouais, j'avoue. Juste une face bien épeurante sur le mur. De l'église. Vas-y donc, toi, Bruno. Ben, moi, dans le fond, on te connaît un peu. On disait quel genre de gamer je suis, quel genre de jeu que j'aime. Je pense que je peux faire quel genre de jeu que t'aimes pas. Comme Frank, justement, quel genre de jeu que j'aime pas. Moi, en fait, c'est quel genre de jeu que j'aime pas, mais que j'aimerais aimer, c'est les RPG. Ouais. Ça me tue en dedans, là, violemment, là, parce que les RPG, j'aime tout ce qui entoure le RPG japonais. C'est coloré, c'est beau, les histoires sont intéressantes, mais j'aime pas le combat tour par tour. Fait qu'il me faut absolument du action RPG. Même que là, dernièrement, je me suis dit, fuck it, tu vas pogner des Pokémon, puis je vais jouer aux Pokémon, puis là, je vais aimer ça, OK? Je vais aimer ça. Je sais tellement pas comment attaquer là, ça, les Pokémon. Si Twitch a été capable de finir un jeu de Pokémon, toi aussi, t'es capable. Ben, c'est ce que je me dis. Fait que là, j'ai commencé un Pokémon, puis je trouve ça plate en calvaire, puis ça me fait chier de trouver ça plate, parce que j'aimerais ça aimer ça. Par lequel tu commences? Pokémon Red. Non, mais... Je vais faire quelque chose que je fais absolument pas. Ouais. Et je vais parler d'un jeu d'Ubisoft. As-tu essayé South Park? Ah, il paraît que c'est hot, hein? C'est ça, South Park, c'est ça. C'est en fait. Il paraît que c'est pas long, mais que c'est vraiment génial. L'histoire est intéressante, puis c'est ça qui fait que. Parce que. C'est ça, d'habitude, j'essaie d'éviter de parler du jeu de mon employeur parce que conflit d'intérêt potentiel assez gigantesque. Mais Denis, qui déteste les RPG avec les combats tour par tour, a aimé South Park. Bon. Et il a dit que c'est la première fois qu'il a joué à un jeu où c'était du plus 2, moins 4, mais qu'il y a eu du fun. Pareil, parce que l'enveloppe autour rendait ça plaisant. Ah. Fait que si t'as le même genre de complainte que lui a, je te dirais, essaye ça. Parce c'est drôle, parce qu'un de mes meilleurs jeux sur Game Boy Advance, c'est Golden Sun, que j'ai vraiment adoré. Là, ce jeu-là, c'est le jeu de mon voyage de noces. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai la boîte à vendre, d'ailleurs, si jamais tu te remémorais. Ah ouais, quand on était dans la salle de... Le jeu de ton voyage de noces, est-ce que ta femme l'a brûlé quand vous êtes revenu ou... Non, en fait, on était trop sous, puis je pense que c'est peut-être ça. Être sous en voyage de noces avec Golden Sun. T'es revenu tous tes bonhommes sur level 99, si t'en souviens pas avec moi, non? Mais ça vaut voyant. T'as choisi toutes les pires skills au fur et à mesure que tu levelais up. Ah non, c'était écœurant. On avait rencontré un Russe sur la plage qui nous avait payé la traite violemment. Ah ouais. Il avait vu que j'étais un petit frame. Fait que là, il trouvait ça drôle, justement, que moi puis ma blonde, on était tout petits, puis on avait l'air de deux adolescents. Fait qu'il nous a dit « Allez, ouais, viens-t'en. » Fait qu'il nous a les Russes. Il pensait que ça allait pas coûter cher, finalement. C'est ça, exactement. Et après ça, il a appris que vous étiez Québécois, fait qu'il s'est rendu compte que... Fait que je me suis pacté, puis j'ai grindé à Golden Sun. Malade. Mais c'est ça, méchant beau voyage. Il y a même Nino. Tu reviens chez vous, t'as une ristourne de jardin. Ah, c'est le paradis. All right, John Walking Dead. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais tu sais, il y a même Nino Cuny, que moi, tu sais, je suis gros fan, comme plein de monde, de Studio Ghibli, puis des films de Miyazaki. Fait que, tu sais, ce jeu-là, je voulais l'aimer, puis je l'ai commencé, puis tout, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est un bon exemple de ce qu'on disait tantôt. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, puis ça, pas mal sûr, j'y jouerai pas, par exemple. c'est big. C'est énorme. Fait que c'est ça, c'est le genre de jeu que j'aime pas, mais que j'aimerais aimer. Sinon. Quand tu dis action RPG, un Fallout, t'aimes ça? Oui, Fallout, j'ai bien aimé quand même. Okay. Mais j'avoue. RPG, ça? C'est RPG, ouais. Mais les derniers, c'est first person shooter. Fait que, tu sais, forcément, ça. Beaucoup plus action. Okay, mais, okay. Tu sais, regarde, je suis quand même assez facile à décrire. Là. J'aime pas ça quand ça te prend 45 minutes à comprendre un jeu avant de jouer. Je suis le genre de gars plus, justement, rétro, plus arcade que... Fait que les derniers Final Fantasy avec des tutoriels de 25 heures, c'est pas pour toi. Fucking way, ouais, vraiment pas. Là, je décroche. Là. Si je suis pas obligé de critiquer le jeu, je vais passer mon tour. Fait qu'il y a ça aussi. Écoute, dans les jeux vidéo maintenant qui me dérange. Conseil, moi, le premier RPG que j'ai joué puis que j'ai vraiment embarqué, là, c'était Dragon Warrior sur la NES parce que t'as un bonhomme. J'ai eu gratos avec le Nintendo Power, fait que j'ai joué au complet. Mais voilà, Nathalie, genre, c'est comme, tu sais, comme c'est le... My baby's first RPG, là, ouais, genre, ouais, vraiment. Mm-hmm. Parce que c'est ça, tu gères un bonhomme, il y a une seule des ressources, c'est ça, pas mais, compliqué. C'est mais c'était simple. C'était simple, effectivement. Puis même Golden Trigger, Sun, que je te parlais tantôt, c'était simple aussi. Golden Trigger, j'ai adoré quand j'ai joué. Fait que tu sais, du temps, même un de mes jeux préférés dans la vie, c'est Brave Fencer Musashi. Ah, j'ai God. Adoré ce jeu-là. Mais RPG, ouais. On dirait que c'est ça, les RPG maintenant, je trouve que tout est trop... Ils mettent trop de viande autour. Je trouve que c'est gros, c'est massif. Ben, tu commences, puis là, ils disent « An epic quest of 80 hours ». Là, c'est « Fuck! » J'ai pas le temps, moi, pour jouer à un jeu de 80 heures. C'est aussi ça. C'est que si t'avais aussi. Encore 12 ans... Tu seras probablement « Oh my God, oh my God, ouais, ouais, ouais, ouais. Hey, quand j'avais ça, 15 ans, ma game de Final Fantasy 3 au Super NES, man, tous mes bonhommes sont au niveau 99. Okay. Ouais. Ils ont monté avec les espers qui fitaient, tu sais, avec leur ce que je jugeais qui fitait leur personnalité, là, tu sais, comme c'était bien pensé et tout ça. Là. Final 7, j'ai monté Aris level 99. Ah, j'ai même pas joué à Final 7. On parle d'une... Ouais. 40 heures sur le premier disque. Ah non, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. J'en mettais à tourner en rond dans même petite forêt où il y avait les ennemis. Oui, c'est ça. Premier disque, tout le temps des... Ah non, c'est ça. J'avais du fun à faire ça dans le temps. Ah oui, moi aussi. À cette heure, je ferais ça 10 minutes. Je serais comme OK, c'est plat. Mais là, tu pratiques Zazen. Pendant que tu fais ça, là, t'es... Ben oui. Tu fais de l'esprit puis tu grindes, là. Sinon, moi, toutes les affaires de stratégie comme telles, les trucs tôt par tôt, mais aussi, mettons, les jeux comme... Les simulateurs de vol en temps. Ces trucs-là. Flight Simulator. Euro Truck Driver Simulator 2. Là, Farming Simulator. Mais les Euro Truck, c'est surprenamment populaire. Ils ont l'air vraiment le fun. Okay. Je dis ça, mais ça a vraiment l'air hot. Tu fais juste conduire un truck sur l'autoroute. Dans la vraie vie, il faut payer des gens pour qu'ils fassent ça. Ouais. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour le faire. Moi, ça va de la misère. Ça me rappelle, je me souviens pas si c'est sur PS1 ou PS2, mais il y a un jeu. C'est juste des courses de van. C'est des courses de routier. C'est des courses qui sont lentes puis longues. Puis tu pognes des accidents super facilement. Oh my God, je en tout cas, je sur le dessus, il y a comme un logo de Route 51 ou une affaire de même. Ah ouais. Non, je ne parle pas du même. Moi, je pensais à un jeu. Toi, t'as l'Angry Video Game Nerd dans la tête. Avec ouais, ça, non, genre Big Motherfucking. Ouais, Big Rigs. Motherfucking Big Rigs, ouais, c'est ça. Mais non, parce que c'est un jeu japonais sur la PlayStation 1. Puis okay. C'est un jeu de course de trucker. Puis une grosse partie du jeu, c'est de modder ton truck, puis modder ta van, racheter des lumières, puis des affaires. Un jeu de course de trucker japonais. Ouais. C'est comme les plus petits trucks au monde, parce qu'ils n'ont pas des gros trucks au Japon. Là. Non, c'est ça, exact. Puis c'est comme une espèce de fantasme où tu peux comme vraiment monter un gros rig, là, full intense. Mais ils ont vraiment le goût, c'est de la fantaisie. C'est de la fantaisie. Dans ce cas-ci, c'est de la fantaisie. Ah oui, c'est vraiment de la fantaisie. Puis sinon, mon meilleur type de jeu, c'est vraiment le 3D platformer. Platformer 3D, moi, ça dépasse tout ce que j'aime dans vie, là, vraiment. Là, comme je l'ai encore dit cette semaine, Mario Galaxy 2. Pour moi, c'est... Ah, c'est génial. C'est comme un jeu exigeant sur parfait, les sens là. Et j'aime tellement ça. Oui. Puis je trouve que c'est un jeu qui a de la profondeur. C'est un jeu qui t'en redonne tout le temps. Toutes les fois que tu fais une game, c'est tout le temps différent parce que les tableaux sont vraiment bien faits. Vraiment, le design de niveau est vraiment écœurant. Puis les bons platformers 3D sont excellents. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment pas un genre... énorme là, tu peux avoir à peu près 24 shooters pour un platformer 3D qui est malheureux. Toutes les maudits platformers first person où tu vois pas tes pieds là. Ça c'est que je suis pas capable. À part Mirror's Edge, j'ai acheté Portal 2 moi là, tout de suite quand j'ai eu un je vais pas chier sur Portal parce que je sais que c'est un chef-d'œuvre là. Non mais moi, Portal 2, capable de voir tu vois tes pieds. Non, oui, je vois rien. Ben oui, ben oui, tu vois tes pieds. Ouais, tu vois tes pieds, je pense. Tu vois tes pieds. Si tu regardes en bas, t'as des jambes. Non, faut pas que, je veux pas baisser ma caméra pour voir mes pieds. Je veux que mes pieds soient dans l'écran. Non, non, moi, ce que je te parle... Tu comprends? Tu veux jouer un infirme? Qu'est-ce que je veux être des pieds en fait, gars, tu sais, je veux être des pieds, à la limite, mais il faut que je vois quelque chose. Non, non, mais... je flotte. Comment pogner une plateforme? Mais il y a des jeux comme genre Turok. Ouais. Ouais. Ou même quand tu regardes en bas, t'as pas de pied. Non, ouais. T'as une espèce de rond d'ombre. T'es, vrai, comme, t'es juste une caméra qui flotte un peu partout. En passant, Turok 3 à vendre sur papacassette.com. Avec la boîte pis tout. Mais pas de pied. Fait que dans ces jeux-là, c'est encore pire parce qu'au moins dans Portal, tu peux te mettre au bout, tu regardes ouais, en bas, ouais. Tu vois tes pieds, tu te mets sur bas. Mais dans un jeu comme Turok, il y en a plein des platformers first person où tu vois pas tes pieds. Puis là, t'es comme, OK, il faut que je me mette le plus proche possible du bord. Ah, je suis encore tombé en bas. Ouais. Ben, sauf Mirror's Edge. Mirror's Edge, là, ça, c'est génial. Là. C'est le jeu qui va sauver l'industrie. Oui. Mirror's Edge 2. Oui, monsieur. Je vous dis. Pis, comme le premier, genre. You've heard it here first. Mais c'est ça. Puis je suis un gros fan des jeux originaux, weird, what the fuck, qui sortent maintenant. Les jeux j'aime plus les jeux japonais que les jeux américains. Faut dire aussi que t'es un grand fan de... Comment ça s'appelle, Weekend Gaming? Le Weekend Gaming? Non, le jeu, là, le style d'affaire là, que tu joues avec... Ah, Gaz Panic! Gaz Panic, j'étais un méga fan de Gaz Panic parce que on s'en rend pas compte, mais derrière ce jeu de filles à poil, il y a un excellent gameplay. Ouais, c'est ça, c'est le gameplay. Continue de te dire ça, c'est le fun. C'est juste quand t'arrives d'un gars à poil que ça devient louche. Ouais, là c'est louche en tabarnouche. Mais en plus, ça ou Fantasy 95, crime, Guillaume, tu m'as vu jouer, avoue que c'était. Ben, mais en même temps, justement, quand il y a des monstres ou des hommes à poil qui se mettent à apparaître dans le jeu. Ouais, là c'est bizarre. Là tout d'un coup, faut que tu négocies pour comme pogner du terrain, mais pas voir ce que tu veux pas voir. Donc, t'essaies de dénuder le personnage. Parce que tu manges du territoire, mais pas les bouts de sensibles. Ouais. Gaz Panic, toujours moins pire que Plumbers Don't Wear Ties. Là. Non. Plumbers Don't Wear Ties est une expérience. C'est la première fois que je jouais ou que j'assistais à quelqu'un qui joue à une 3DO. Et la dernière fois, c'est dégueulasse. C'est horrible. C'est une tête de connexion. Puis je l'ai dans la boîte originale, je suis super content. Non, pour vrai, c'est une horreur. Cette console-là, man. Le jeu de fighting qu'il y avait. Excuse, le jeu de fighting. C'est le goût de beau, mais. C'est le goût de beau, mais. Tu vois, la 3D, je. Mais c'était quoi le nom du jeu de fighting qu'il y avait, là, avec des genres semi-acteurs, semi-pixelisés, photographiques? Mon dieu, il y en a plein, Shadow. Ok, ben celui que t'avais amené, en tout cas, mais. J'en peux pas. J'ai acheté la 3D avec une badge de jeu, puis j'ai joué vite à certains. Je voulais l'acheter à 3DO pour des jeux très précis, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Donc, dans le but de... en fait, je le voulais, Plumbers Don't Wear Ties pour la 3DO. Ben oui, ben juste dans le but de voir des gars tout nus, tu sais. Pour l'icône. Mais ça qui arrive, c'est que t'as un code, tu sais, pour débloquer la nudité dans Plumbers Don't Wear Ties qu'on a essayé. Ouais. Et tu vois un gars et une fille tout nu, fait que t'es comme. Faut choisir ça, man. Les gens, si t'aimes les deux, tant mieux. T'es servi, mais t'as rien, faut choisir. C'est comme de la porn, dans le fond. C'est de la porn hétéro. C'est de la porn, c'est de la porn hétéro. De la porn en photo, même. La porn photo. Oui, la porn, c'est comme un photo magazine. C'est troublant un peu. Parce que les gens disent que E.T. c'est le pire jeu jamais fait. Ben non, c'est pas le pire jeu. Ben non, c'est pas le pire jeu. Crime, tu l'as dit à la presse. Ben, il y a des. Oui. C'est tellement random. Je veux juste en parler vite de ça. J'étais ici, genre, puis mon kid est malade en haut, puis moi je travaillais, c'est l'après-midi, puis là, comme bang, hey, la presse, on voudrait comme juste faire un petit topo vite. Peux-tu venir dans nos studios? Ben, mon kid est couché, puis il est malade, ben raide, puis moi je travaille présentement. Ok, on va venir chez vous dans une heure. Ok. Fait que ça s'est fait tellement rapidement. Ça s'est fait à pression. Ils t'ont arraché des confidences, c'est ça? Ah, ils t'ont appelé pour te dire, on vous annonce que dans une heure, chez vous, il y a quelqu'un de la presse. Non, mais c'est vous ça. Vous pouvez débarrer la porte ou on la défonce. Puis le topo commence, Dom, il est comme, bon, un autre bug. Ah non, mais ça, c'était plus tard. Je savais même pas qu'ils filmaient dans ce temps-là. Le montage, les joies du montage. Ben ouais, ils prennent tout le temps ce qu'il y a mieux. Voilà. Mais ouais, continue donc, Guillaume. Avec, on va y aller avec toi. Ben, ok. Le genre de jeu pour lequel je suis. Que t'aimes ou que je suis une pute. Non, commence avec ce que t'aimes pas pantoute. C'est tellement plus le fun. Ce que j'aime pas pantoute. Ben, il n'y en a pas, en fait. J'aime un peu tout. J'aime tout essayer. Je suis pas bon à certains jeux, donc j'en aime peut-être moins parce que je retire moins de plaisir, tout simplement. Et ça, on parlerait de jeux de stratégie, toutes les... simulateurs de vol en temps réel. League of Legends et tout ça. Toutes ces espèces de nouvelles j'ai manqué le train. J'ai juste manqué le train. J'essaye. Il est trop tard, en fait, je pense. J'ai l'impression qu'il fallait être là au début pour devenir bon. Là, la courbe est trop large. Là, moi, j'ai essayé avec la PS4, vu qu'il y en avait plein gratos. J'ai essayé, puis je suis comme, Colin, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu peux avoir du plaisir à mitrailler un gars pendant 20 minutes, puis qu'il est toujours pas mort, puis qu'il faut que tu continues à faire ça jusqu'à temps que ton bonhomme soit bon. Juste ça, j'arrive pas. J'ai pas de fun à jouer à des MOBA. Puis je trouve que la barrière est haute, et comme c'est juste avec d'autres êtres humains, c'est impossible qu'il y ait un tutoriel. Ouais. Fait que c'est de dire, t'apprends l'humilité. Non, c'est ça, je prends le contrôle d'échouer lamentablement vraiment longtemps. Puis un jour, je vais devenir bon. Ouais. Mais pendant que tu fais ça, tu nourris les stats des gens qui t'ont battu. Fait que comme... Parce que j'ai. C'est ça, je te disais, la courbe est trop large rendue là. Non, mais même là, j'ai essayé celui de Warner qui est basé sur tout l'univers de Batman, du Joker, de. Oh, oui, Gotham Imposters. Non, ça, c'est du multiplayer. C'est l'autre. Qui vient de sortir. Là, j'ai juste une fameuse en tête qui a absolument pas rapport. Oh my God, je sais pas. Celui-là, en tout cas, oui. Qui est fait par Turbine à Boston. Personne ne le dit, sur le chat. Non. un petit effort, là. Comment le genre du chat? Je paye un burger, comment? Puis, tu sais, j'ai joué dans le bêta. Donc, théoriquement, les gens n'avaient pas tant d'expérience du jeu que ça, parce qu'on était dans le bêta. Et je me suis quand même fait torcher, c'est ça. C'est des gens qui jouent à d'autres MOPA qui viennent exploiter. Ils comprennent tout le système puis ils vont l'exploiter. Ben, mais c'est un genre qui a une popularité incroyable. À PAX, il y avait plus de pieds carrés dédiés aux MOBA qu'à peu près tout le reste mis ensemble. C'était absolument hallucinant. Mais non, moi non plus, ça... Ben moi, pendant qu'on en parle rapidement, là, j'aimerais faire un petit dévi vers les free-to-play aussi. Ouais. Les free-to-play, j'arrive pas à comprendre non meilleure plus. Meilleure catégorie de jeu ever. Ouais, non, mais c'est parce que ce qui me fait chier, entre autres... Et je dis pas ça juste parce que ça paye mon salaire. Ouais. C'est parce que moi, entre autres, sur mobile, quand il y a un jeu que je download puis j'ai le goût de jouer, puis là, je vois qu'il est free-to-play, je fais comme « Ah, fuck, j'aurai pas la version complète, puis là, il va falloir que j'achète, ou que j'attende des jours avant que ça se débarque. » C'est qu'un free-to-play bien conçu va... Infinite Crisis. Crisis, ben oui. Mais un free-to-play bien conçu va te permettre de gagner sans dépenser un sou, on s'entend, mais tu te bats contre... Je sais pas, mettons, des enfants qui ont des iPods, qui ont juste ça à faire de leur journée, comme aller resetter leurs affaires. Fait que non, toi, tu payes pour avoir des raccourcis pour tenir la route. Là. Comme là, j'ai énormément de fun avec Puzzle Quest de Marvel, qui est sorti derrière, qui est super cool. Il est vraiment bien fait. Il est beau. On pensait à une interface, mais non, c'est beau. C'est vraiment, génial, ce jeu-là. Puis là, je suis comme... Calique, pourquoi il y a des microtransactions partout puis je sais pas laquelle faut que j'achète? Faut-tu que j'achète celle-là à 20$, celle-là à 2$, celle-là à 5$? Puis c'est fourrant, puis ça fait chier, puis tu devrais pas avoir des choix de même. Ce qui est plus frustrant, c'est que t'achètes rien, dans le fond. Concrètement, t'achètes rien. Et donc, ces gens-là mettent des prix qui, à l'occasion, apparaissent très outrageux par rapport à rien. Ben oui! Angry Birds Go, je pense, qui était leur jeu de char. Oui, c'était ça. Où ils vendaient un char à 100$. Ben oui! Sacre! C'est parce qu'ils se disent, il y a bien un cave, un mané pacté qui vont faire comme jette le char à 100$. Ouais, mais le joueur Whale, lui, il a tout acheté déjà, puis il achète le char à 100$, il en achète deux, genre. Ou le riche qui a unlocké l'iPhone à son kid, là, c'est comme il a juste besoin de peser sur le piton, puis ça déborde tout de suite. Non, ça arrive, ça, du monde qui ont plein de cash. Moi, j'ai joué ma vie, man, à Plants vs. Zombies 1. Ouais. Asti que j'ai joué à ça, là. Le 2, là, j'ai pas embarqué. Mais, pas une crise de seconde. As-tu réessayé depuis qu'ils ont revampé complètement tout le jeu? Ils l'ont fait. Ils l'ont fait sur Android en premier parce que faire des updates sur Android, ça coûte rien. Fait qu'ils se sont dit, on va essayer des nouvelles idées de game design sur Android, puis si ça marche, on le fera sur iOS après. Puis il me semble que depuis, ils l'ont fait sur iOS, mais ils ont complètement enlevé tout le système de collection de clés. Okay. Les mondes sont rendus complètement linéaires, puis tant que tu finis le tableau, tu continues au tableau d'après. Okay. Comme le premier, finalement. Puis oui, tu peux encore acheter des patentes pour être capable de finir des tableaux, mais comme le concept d'étoile existe à peu près plus, t'as pas vraiment d'incitatif aussi direct que t'en avais avant. Ouais. Bon, OK, ils ont fait le boss de la fin que j'ai essayé puis que j'ai échoué lamentablement, puis je me suis dit, j'ai comme l'impression qu'il est designé pour que je leur donne 10 piastres. Ouais. Mais reste que tout le reste du jeu est beaucoup plus smooth qu'il était, parce que moi aussi, j'avais été extrêmement déçu de ce jeu-là. Ouais, ah ouais, ouais. Puis à un moment donné, quand j'avais vu, genre, il y a un update de 200 MB où je me rappelle plus quelle taille ridicule ce jeu-là, j'étais comme, qu'est-ce que ça? Puis là, tu pars le jeu, puis ça convertit toutes les étoiles que t'avais, puis ça te redonne des coins, puis ça te dit genre, oh, on a tout changé le style du jeu. Puis là, j'étais tout perdu parce que ils ont pris l'ancienne carte qui était pas linéaire pantoute, puis ils ont converti ça en carte linéaire. Fait que là, j'avais fini le tableau genre 1, 2, de 1 à 12, mais pas le 13, de 14 à 16, mais pas le 18. J'étais tout perdu, puis après ça, je suis retourné dedans, puis je me suis mis à rejouer plus, puis j'étais comme, hey, ça, c'est un jeu que je me dis, oui, il est free to play, mais j'aurais pu le finir sans leur donner d'argent. Ben oui. Puis si j'avais eu ça comme première expérience, probablement que je leur aurais donné une coupe de piastres. Ouais. Ben oui. Mais je suis encore brûlé de ce qu'ils ont essayé de me passer dans le fond de la gorge la première fois. Fait aucune chance. Ah, ça rentre pas ça. Compte, ça tue des jeux. En tout cas, fin de la parenthèse, continue, Guillaume, désolé. Je sais pas, j'en étais rendu où? Je parlais de quoi, là? Ben, t'étais rendu. Les styles que t'aimes ou que tu trouves qui s'essouffle. Ben, la même chose, en fait. Le Metroidvania, moi, je suis une pute pour le Metroidvania. Ah, moi aussi, ça. Mais je veux du Metroidvania avec des maps permanentes, bien conçues. Le procédural, j'en ai rien à battre. Ouais. Et c'est, c'est une plaie. Qu'est-ce que tu veux dire, le procès? Excuse, procédural. Moi aussi, j'aime pas ça. Les maps générées au hasard. C'est ça, c'est généré aléatoirement. Parce que tu rentres et t'as jamais la même expérience. Comme moi, Spelunky, ça l'a tué pour moi. Je comprends. Ah ouais, je comprends parfaitement la logique et même le plaisir, en fait, d'avoir une map procédurale. C'est-à-dire, chaque expérience est unique, tu sais. Mais moi, c'est pas ce que je cherche dans les maîtres et dans les maîtres. Je veux être capable que ça soit fait. Je veux exactement. Moi, je veux un environnement qui me perd au début, dont je deviens tranquillement le maître. Exact. Et le procédural est fait pour te challenger tout le temps, ce qui est un autre genre de défi, mais c'est pas mon genre. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, j'aime le choisir en fait au début du jeu. Oui, c'est ça. Mais en fait, que tu puisses sticker dessus, puis quand tu meurs, tu recommences sur la même map, ça serait. Mais du coup, ça serait le fun. Ben oui. Moi, ce que j'aime du procédural, c'est justement qu'il y a beaucoup de jeux qu'à partir du moment où mon cerveau clique et comprend les concepts de design derrière, je trouve ça plate. Parce que là, j'ai comme trouvé le loop. T'as envie d'être perdu tout le temps, dans le fond. Ben, mais pas de savoir perdu, mais à partir du moment où j'ai trouvé le loop, que je sais que si je fais l'action X, Y, Z, je suis capable de gagner à peu près tous les tableaux, ou tu sais, de... Tout d'un coup, le jeu perd une grosse partie de son niveau d'intérêt. Puis il y a des jeux qui sont pas faits de façon procédurale, et qui sont capables quand même de me challenger tout le temps parce qu'ils vont changer différentes mécaniques de jeu au fur et à mesure que ça avance. Mais en même temps, ça arrive des fois que je fais juste comme, ah oui, je fais le combo ABC puis je tue tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ce qui manque. Et là, peut-être, il y a quelqu'un, le jeu existe peut-être puis je suis juste pas au courant, c'est tout à fait possible. Mais le mélange des deux, c'est-à-dire, tu as un environnement qui est fixe, une map qui est faite, mais qui habite un écosystème de monstres qui est émergent, qui a un comportement émergent. Oui. Tu sais, genre, une espèce de Metroid idéal dans le futur, un nouveau Metroid en 2D, super beau, avec une map qu'on comprend puis qui peut être énorme, mais qui est la même à chaque fois que tu joues, mais qui a des ennemis constamment en train d'évoluer. Shovel Knight, il me semble, c'est un peu de même aussi. Je sais pas, Shovel Knight, c'est tu procédural, je veux vraiment pas m'avancer là-dessus. Non, mais les pas. Ennemis, il me semble que c'est procédural, mais bon. Attends, moi, c'est pas sorti, ça, là? On voit, non, c'est parce que c'est sorti sur PC. Oui. Shovel Knight, il est sorti, là? Sur PC seulement. Tu peux pas jouer sur ta PS Vita. Ouais, moi, non, j'ai une suggestion pour toi. Je suis super ouvert. Shattered Planet, qui est en plus un jeu fait à Montréal. Fait que, tu sais, on encourage la scène locale des jeux indie, on aime ça. Qui est un jeu procédural. Donc, en partant, tu sais, je sais que c'est peut-être pas super bien reçu. Je suis toujours ouvert, mais tu sais, en tout cas, vas-y. Le concept dans ce jeu-là, c'est que ton bonhomme est un clone, donc va mourir. Le jeu t'annonce à la base, ton bonhomme va mourir. Mais quand il meurt, ben, il est cloné, puis là, t'as un autre bonhomme. Fait que mourir fait partie du jeu et tu vas mourir constamment. Mais les stats que tu accumules et les levels que tu gagnes, eux, persistent. Ah. Fait que c'est procédural parce que les maps ont jamais l'air la même chose, mais un tableau dure comme 3 minutes. Puis l'équipement que tu accumules, faut pas que tu y donnes trop de valeur parce que quand tu vas mourir, ben tu vas le perdre. Oui. Mais ton personnage, lui, a une construction plus linéaire. Fait que c'est comme un mix. Ouais, c'est ça. À défaut de devenir maître de ton environnement, tu deviens maître de toi-même. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est une belle leçon de vie à la maison, tout le monde. Fait que c'est comme un mix de jeux 100% procédural. Okay. Et ça s'appelle Shattered Planet. Shattered Planet. C'est disponible sur quelle plateforme? C'est iOS en ce moment et ça va être PC. Ils viennent d'être. Immédiatement. D'avoir le green light sur Steam. Donc ça va être sur PC bientôt. Ah, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup tout d'un coup. Mais oui, puis il y a une petite dose d'humour noir aussi dans ce jeu-là qui est très drôle. Parce que j'allais dire que c'est le même genre que j'aime et qui est en train de s'essouffler, excusez-moi. Je suis en train de taper Shadow Planet là, sur l'Apple Store. Donc, c'est parce que j'ai joué. Il est free-to-play en plus. Ah, mais voilà, là tu m'as eu. That's it. C'est un achat, entre guillemets. J'en parle parce que je suis allé à une conférence de l'IGDA. Qui est l'International Game Developers Association, qui a un chapitre de Montréal assez fort hier. Et il y avait justement une des personnes de ce studio-là qui était là. Et leur but avec ce premier jeu-là, c'est juste de se faire connaître. Donc c'est un free-to-play qui n'a pas comme but de voler ton argent. OK. Ça, c'est smart. Ça, c'est intéressant, par exemple. Ils sont tristes parce qu'ils rentrent pas. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont des downloads intéressants. Mais il y a une belle carte de visite. Ils savent que quand le prochain jeu va arriver, tout le monde est en attente. Donc, ils ont atteint leur objectif dans ce sens-là. Puis au pire, il y a la ristourne de jardin qui arrive. C'est vraiment mon running gag. Ouais, c'est ton gag. Faut que tu le gardes, celle-là. Je le garde, celle-là. Garde-le longtemps. Ça devrait être ta ligne en dessous de Papa Cassette sur ta marquise sur le jardin. Hashtag ristourne des jardins. Ah ouais, Papa Cassette, tu sais qu'un jeu rétro, au pire, ristourne des jardins. Acheter ou pas besoin. Acheter ou pas, sinon, ristourne des jardins. Mais tu parlais des Metroidvania tantôt. Oui. C'est ça, les Metroidvania, il y en a une chier incroyable. Mais c'est sur la scène indie, c'est un genre qui est représenté au bout. Ouais. Les gens aiment ces jeux-là, mais les gens qui font des jeux sont souvent des fans de jeux Metroidvania. Ouais. Metroidvania, tu vas faire des jeux dans la vie. C'est réglé. Ouais, c'est ça. C'est vrai, mais c'est parce que c'est un jeu qui t'enseigne super bien ses mécaniques par plein de moyens. C'est un type de jeu qui emploie super bien le langage du jeu vidéo. Ouais. Le Metroidvania doit t'enseigner par son environnement, il doit t'enseigner par ses actions. T'as pas le choix. Et donc, oui, il y en a plein en indie, mais ils sont pas toujours super bien faits. Et le dernier, comme disons, AAA ou 2A, mettons que j'ai joué Strider. Ouais, oui. Strider. J'ai joué une heure. Je l'ai pas ouvert depuis. C'était confus, c'était laid. C'était un peu essoufflé. C'était pas. Et je suis pas d'accord. Je suis un fan fini de Strider sur la NES, sur la Genesis, sur l'arcade. Je voulais tellement aimer ce jeu-là. Il faudrait peut-être que je le rouvre une seconde fois pour lui donner une autre chance. Donne-y une chance, sérieusement. C'est vraiment un bon jeu. Il y a des problèmes, ce jeu-là, mais. C'est un très bon jeu, c'est un très bon hommage. Parce qu'à un moment donné, je mourrais, tu sais, j'étais pas bon. Oui. Puis j'étais comme, je comprends pas pourquoi, parce que ça se passe trop vite. Parce que tu fais pas bonne affaire. Ben, je sais. T'as-tu joué à Guacamelee? C'est ça que j'allais dire. Je trouve que c'est pas parce mal. Parce que moi, Guacamelee, le meilleur nouveau volé la vedette de tout, là. Puis c'est un excellent Metroidvania. Même qu'avec ma Vita, j'ai transféré ma game de Guacamelee. Ça a pris deux jours. Ouais, ça a pris deux jours. J'ai fini par l'avoir. Puis j'ai téléchargé plein de jeux. Puis comme j'ai rouvert Guacamelee, rien que pour voir que ça donnait, puis je suis comme rembarqué dedans. C'est malade, ce jeu-là. J'ai recommencé une game à hard. Ah puis là, je veux finir le jeu à hard. Puis tu sais, rétro de vous, ce que c'est quand on a fini de parler d'un jeu, tu te dis, ben j'arrête d'y jouer parce que je vais parler d'autre chose au prochain épisode. Puis ça fait chier, tu sais, parce que tu sais, on voudrait des fois jouer à ce jeu-là toute l'année. Mais Guacamelee, ça va faire ça, puis ça en est un bon Metroidvania. Est-ce que le problème des Metroidvania, puis là, je flash un peu là-dessus maintenant, c'est une idée que je vous lance là, comme ça à chaud, là. Est-ce que je vais me tirer dans le pied? Tu veux qu'on fasse un Metroidvania? Ouais, les gars, j'ai une super de bonne idée! Kickstarter, oui! On fait ça, laisse ça on, là, live, là, on fait ça maintenant! Non. Ça se passe, là. Est-ce que le Metroidvania. Il y a un seul programmeur ici, mais c'est correct. Non, c'est ça. Le Metroidvania n'est-il pas adapté aux écrans géants, en fait? Et est-ce que c'est pas en train de nuire? Parce que ça m'allume pas. Ça va bien. C'est ça, portable, ça va bien. Il y a un ami qui m'a montré Guacamelee, puis j'ai en fait, les environnements, ils me parlent pas. Puis genre Strider aussi, ça me. Est-ce que. Tu sais, le côté caustique, le côté d'être pris, t'es dans un corridor emmené dans Metroid, là, sur la planète Zebes ou Zebs, puis genre, mané, tu sais plus t'es où, puis t'es perdu, puis c'est claustrophobique. Non, je suis pas d'accord parce que. Moi non plus. Dans Guacamelee. good, parce que je suis une idée, je vais lancer ça de même, Dans Strider, tu commences, puis on veut te montrer que t'es le plus grand badass de la planète, t'es le plus grand tueur de la planète. Plus ça avance, plus ça devient. Fait qu'après ça, tu te transformes en rat, puis il faut que tu fasses des scènes furtives. Exact. Mais ça devient atmosphérique. Puis le jeu finit par te montrer quelque chose d'autre, puis t'amener ailleurs. Une chose que les jeux récents, arrivent à faire avec la musique, avec le graphisme, avec tout ça, des choses qui n'étaient pas possibles auparavant, tu sais, avec des subtilités, choses qui n'étaient pas possibles dans le rétro. La subtilité, c'est moins évident que le rétro. Là, tu vas me dire, non, pas pantoute, ça existe dans tel jeu, mais les jeux récents, ça existe quand même pas mal. Puis Strider, c'était ça. Guacamelee, l'affaire qui arrive, c'est que quand tu joues à ça, tu penses pas Metroidvania au début. C'est quand tu y joues, tu réalises que c'est un Metroidvania, mais quand tu le regardes, ça a juste l'air d'être un jeu où tu avances, kick punch, puis ça finit là, tu sais. Fait que mais tu vois, moi, je trouve que ça a évolué. Il me donne pas le goût de backtracker pour deux crises de seconde. Non, mais non, moi, Guacamelee, je le sais que quand je passe, aussi, bon, il y a une porte rouge, puis j'ai pas le skill rouge encore. Toi, ma porte, je t'oublie pas. Et là, je continue. Mais d'un coup, ça, j'ai le skill rouge. Là, je suis comme, yes! Je m'en retourne direct au début, péter. L'affaire, par contre. Strider, il l'a pas, ça. Non, c'est ça. Il est tellement pas fort, il est tellement pas illustré que tu l'oublies et tu t'en crisses. En fait, c'est ça. C'est que la différence entre Guacamelee et Strider, c'est que Guacamelee, t'as pas le choix d'y revenir à ce point-là. Tandis que dans Strider, on te donne le choix de pas y aller dans ces sections-là. Puis c'est quelque chose qui revient souvent. À Guacamelee, tu pourrais pas y aller parce que c'est juste des coffres de life là-dedans et tout ça. Exact. C'est juste jeu quand même. Mais entre autres, pour du monde comme Guillaume qui sont poches au jeu, salut. Ils te permettent. Ben, en même temps, je me vanterai pas d'être un bon joueur. Je suis un gars qui, si button mash avec pas la question, on passe à d'autres choses. Non, mais je te dis ça, je niaise, mais dans le sens que. Tu m'as vu jouer, si tu cherches sur la map, tu vas trouver des points de vie, des trucs comme ça qui vont te permettre d'être meilleur puis d'avoir un avantage par rapport à tes ennemis. Fait que, tu sais, c'est. Aussi, maintenant, le genre de jeu que les développeurs font, c'est souvent genre « Fais-toi ta propre expérience, puis après ça, nous autres, on va te donner un jeu. » Strider, c'est un peu ça. Guacamelee, c'est un peu plus comme... C'est un Metroidvania classique au bout, là. Bon, mais... Tu vas aimer ça, Mais toi, c'est Guacamelee plus que Strider, ben... Oui, en effet, là, ce qu'on me dit, là. Moi, je suis un gars qui a des problèmes mentaux. Donc, il y a plusieurs années, je me suis acheté un projecteur, puis un... Christy de gros écran chez nous. Magnifique. Pas des problèmes, ça. C'est des. C'est la logique. C'est ce que je ferais demain matin si j'avais la place. Si la ristourne avait été plus grande aussi, là, j'ai juste pu m'acheter une télé cathodique, genre. Prenez ça des vidanges. T'as laissé ta ristourne. En fait, je suis allé boire à ma ristourne, puis après, j'ai trouvé une télé d'invidange. Mais je fais à croire que j'ai acheté ça avec ma ristourne. Dom, d'ailleurs, le hashtag Ristourne des Jardins est parti sur Twitter. Génial. C'est parti. Voilà. Right. Mais non, c'est ça. Moi, c'est parce que j'avais l'espace pour. Puis je trouvais que c'était un meilleur investissement qu'une télé. Puis avec le recul, je pense que j'avais raison. Et j'ai le plaisir de jouer sur 92 pouces de diagonale. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, donc, tu peux jouer avec la full map sur Castlevania HD, mettons. Là. Genre. Nice. Tu vis le rêve pour tout le monde. Ouais. Quand je joue en couch co-op, là, c'est vraiment pas un problème. Ah non, c'est hot. La map est trop petite. On voit rien. Le bonhomme est plus grand que moi, tu sais. Ouais. Guillaume, le style de jeu qui s'essouffle. Non, mais je peux pas finir mon point. Ah, oh, c'est vrai, t'as même pas fini ton point. Moi, c'est juste que tu m'as perdu à écran géant, ben raide. et je suis un fan des Metroidvania. Oui. Puis ce que je trouve intéressant quand tu joues sur un écran vraiment trop gros, c'est que les petits détails comme les portes rouges te sautent plus d'en face. Ouais. Fait que j'ai moins à les chercher. Puis, OK, ça fait de moi un gamer paresseux. Finalement. Non, mais jusqu'à une certaine limite, oui. Parce que. Pis, mais t'es un gamer paresseux, est-ce que t'as le cooler à côté de ton Lazy Boy? le frigo, il y a un mini frigo qui est à portée de bras. la casquette avec important. Les canettes de bière et les pailles, bien sûr. Non, puis il y a le pouf. Déjà déboutonné. Il y a le pouf qui se lève et dans lequel il y a mes manettes. Fait que je lève le pouf, je sors mes manettes, je m'étire le bras, je sors la bière, allume le projecteur. Bref. Surprenant que tu sois pas plus gros que compris, ça. T'as compris, man. Non, mais le truc, assis, c'est d'être. Pas besoin de bouger, tu le truc, c'est d'être vraiment nerveux dans la vie. Mais c'est ça, Frank est comme pas mal tout nous autres. On est des nerveux, fait que c'est ça qui nous permet de. Fait que c'est. Moi, j'aime ça parce que, aussi, des fois, dans certains jeux, je vais voir des détails que j'aurais peut-être manqué parce qu'il y aurait été 3 pixels de gros. Mais là, les 3 pixels, c'est la taille de mon poing, fait que j'y vois, tu sais. Je sais pas, j'aime. Vous avez un téléphone iOS, peut-être. Allez voir Astronaut, N-O-T. Oui. Qui est exactement ce que je veux dire par un Metroidvania qui est claustrophobique. C'est ça que j'aime, en fait. C'est un petit écran serré, tu vois pas trop en avant. Ouais. C'est le fun. Moi, en tout cas, c'est mon. Si t'aimes les jeux claustrophobiques, Lone Survivor. Vraiment, là, J'ai pas aimé Lone Survivor parce que le gars qui a fait Lone Survivor, dont je me souviens pas le nom. T'as une vendetta personnelle avec lui. Non, c'est Mike Bittell. Le jeu qu'il a fait avant Lone Survivor, c'était genre un remake de Silent Hill. Ouais. Puis là, tu joues à Lone Survivor, puis t'es comme, ben, tu voulais faire Silent Hill finalement. Là. Ouais. Comme, y a rien. Lone Survivor a pas réussi à me prouver qu'il y avait quelque chose de différent de Silent Hill. Si vous me dites, mais ça arrive à la fin de jeu, c'est écœurant, il y a plein de. Peut-être. Non, moi, j'ai aimé mon expérience, puis en fait, c'est de. Je voulais vraiment l'aimer. Je voulais vraiment l'aimer. Créer un jeu d'horreur aussi, aussi atmosphérique avec du 2D puis du pixel art. Oui, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Merci. J'ai fait des sauts puis j'ai vraiment eu la chienne puis j'y ai rêvé à ce jeu-là. La mécanique de se cacher dans le background pendant que le personnage passe devant toi, ça c'est vraiment efficace. Comme dans Blackthorn aussi. Ça, c'est le bout. Ouais, mais ça, c'est le bout où le jeu. Il fait son propre truc, tu sais. Mm-hmm. Parce que tout le reste du moment, genre, où. C'est ça, Astronaut. Ouais. Ben là, est malade. C'est écœurant. T'es en train de le télécharger c'est à l'instant. C'est écœurant. C'est gratuit, c'est complet. Ça me fait penser c'est à VVVVV, man. Au niveau oui, du c'est look. Vrai. C'est vrai. VVVVV. Mais en fait, je t'ai arrêté sur ton truc. Mais non, c'est moi. C'est correct, c'est ton thème de la soirée. Interrompre les gens. Interrompre, ristourne. On a une gimmick, là. C'est bon, c'est fun. Je me sens invité à arriver au niveau. T'es berçu. Ça parle de cash, puis ça te coupe en plein milieu tout le temps. Mais là, ton jeu, c'est ça, ton style de jeu. Mais c'est la même chose. Ça, j'ai dit tantôt, c'est le Metroidvania. Metroidvania à cause du procédural, à mon avis. Bon. Bien que je sais que le procédural plaît à beaucoup de gens. Et c'est en train de télécharger. Ouais. Donc, ça sent bien. Mais moi, justement, je ne l'ai pas dit, mon style de jeu qui s'essouffle, puis je vais le dire super rapidement, là. Les platformers 2D. Les platformers 2D... Ça existe encore? Il y a vraiment une overdose incroyable de platformer 2D depuis 3 ans. Ben, sais-tu pourquoi? Tout le monde s'est mis sur le train du platformer 3D. C'est en train de devenir le nouveau shooter, le nouveau Call of Duty. Punk-toi Game Maker, punk-toi Game Salad. Mais je sais. C'est ça que tu fais de base. Je le sais, mais c'est plate, Christy. Donc, tout le monde fait son jeu. Il dit, il est pas super. Tout le monde fait des hot dogs, Christy. Il le met, c'est ça, exact. C'est, ça devient... un moment donné, ça. Mais en même temps, de temps à autre, t'as un Super Meat Boy. Oui. Ah, moi, j'adore les platformer 2D. Non, mais aussi parce que je joue rétro, fait que c'est ça. Dieu sait que sur le NES, il y a rien que ça, des platformers, puis il y en a des tannants de bons. Sur le NES, il n'y a pas grand-chose en 3D, en fait. Non, c'est ça. Non, mais il y a toutes sortes d'autres styles aussi. Il y a des jeux de sport, il y a des Brick Breakers, il y a des fucking... Mais les platformers 2D, là, je te dirais que facilement, par mois, il en sort 3 ou 4. C'est beaucoup, là. Tu sais, quand tu considères tous les jeux qui existent, là, tu sais, c'est pas mal de jeux. À toutes les semaines, facilement, t'es capable de faire comme « Ah, c'est le platformer 2D de la semaine. Ah, c'est le platformer. » Ouais. Il y en a tout le temps un. Fait que, tu sais, à un moment donné, je veux dire, c'est parce que quand on crée trop souvent le même style, le même genre de jeu, ils finissent par tous s'effacer. On voit pas vraiment la nouveauté ou ce qu'il y a d'intéressant. C'est des jeux plus intéressants pour les créateurs que pour les joueurs. Oui. C'est un jeu sur lequel le créateur va s'être fait les dents pour faire quelque chose de mieux après. C'est ça. Mais moi non plus, je vois pas beaucoup d'intérêt vers les nouveaux plateformes 2. Ben, sauf quand ils sont bien faits, comme Meat Boy ou Capoter. Je vais laisser la communauté être le filtre puis m'apporter le plateforme 2D qui vaut la peine. Ouais, c'est ça. Ben, Mutant Mods. Je le répète encore une fois. Même sur le téléphone, il est bon. Ouais, c'est ça. Puis même sur Vita, toi, tu vas en découvrir une méchante gang. Il y en a une chier incroyable. Je capote. Si t'aimes ça, tu vas capoter. Sur mobile, toute catégorie confondue, qu'on parle d'un téléphone ou qu'on parle d'une Vita, je pense que le platformer est un jeu qui, habituellement, a des mécaniques plus simples. Ouais. Donc, et a une prise en main plus rapide et ouais. une place plus grande justement sur toutes ces plateformes mobiles là. Exact. Parce que tu sais, un Final Fantasy X12. Ouais. Ah. Ouais, mais moi, ça téléphone, ça serait comme. Moi, parce que j'ai 4 stations de métro, puis j'ai pas le temps d'apprendre Final Fantasy X12. C'est ouais, mais moi, ça me plaît que ça soit simple, puis que j'embarque tout de suite, puis que ça soit basé totalement sur mes réflexes, puis sur mon talent, puis sur mon anticipation. Ouais, ouais, mais là, c'est ce qui explique un succès d'un truc comme Flappy Bird 2D, ou whatever. Parce que j'ai pas essayé Flappy Bird. Un platformer 2D complet où t'as. Un platformer 2D où t'as toutes les 4 directions, puis le bouton sauter, puis un bouton d'action. Whatever, c'est de la place que tu perds dans ton écran, dans ton real estate d'écran, là, tu le perds au complet parce que tu as les doigts dessus. Donc, le platformer 2D n'est pas adapté pour les téléphones intelligents, genre, sauf si c'est un one button ou un truc comme ça. Là. Ouais, non, c'est... effectivement. Je parle pas sur mobile parce que moi, jouer avec des faux boutons, whatever, non, c'est ça. Non. Mais sur Vita, sur 3DS, puis sur NES, tu sais, on a dû en parler, mais tu sais, ça le fait. Là. Ah oui, ça le fait. Totalement. Là. Évidemment. Fait que je vais enchaîner. Vas-y. Les styles que j'aime, j'aime bien les affaires aussi, sérieux. Là. Mais j'aime les jeux de fighting, j'aime les Brick Breakers, j'aime les platformers 2D. Non, choisis un affaire. J'ai le droit d'énumérer tout ce que j'aime. Un affaire, ça va être c'est l'exercice. Stock. C'est ça qui est difficile. C'est l'île déserte, là. T'as un genre de jeu, là. Vous tous, vous avez dit un style préféré? Non, pas tous. Ils sont juste en train de mettre la barre plus haute pour trouver parce que c'est dans Non, la merde. Ça fait une heure que vous parlez de n'importe quoi. Puis moi, j'ai juste droit à une affaire. Frank en a donné comme 6. Frank en a donné comme 6. Toi, t'en as donné 2. On a dévié. Moi, j'en ai donné. On est chez nous ici. Je vais dire ce que j'ai envie de dire. On est rendu là, orange le shotgun. C'est bon. Le shotgun à t-shirt. Le shotgun à t-shirt, à bout portant, il fait mal. Quand exact. Gelé, là. Okay. Mais si on a à parler. Si on a à parler de person aussi, moi je préfère un third person. J'aime les hack and slash, j'aime Strider. Ouais. Puis en third person, un hack and slash comme Ninja Gaiden ou comme Metal Gear Rising, ça j'ai beaucoup aimé ça. Vraiment. Puis Platformer 2D, moi ça me parle. Mais j'ai de la misère à catégoriser parce que Hotline Miami, tu mets ça dans quoi, man? Puis présentement, ça me fait capoter. C'est vrai, hein? Tu mets c'est ça vrai, dans le jeu pas. Que quand les gens aiment ça, ils devraient être suivis par la police. Exact. Ouais. Puis Metroidvania, en fait, moi j'adore ça. Ben, ça paraît, je vois ta collection. Ouais, c'est ça. Il y en a plein. Ouais. Les jeux que j'aime moins, jeux de sport, je t'avouerais que je joue pas vraiment non plus. RPG, quand j'étais jeune, je jouais à tour de bras à ça. Puis le dernier que j'ai joué, c'est Final Fantasy IV, The After Years, qui est la suite de Final Fantasy, donc le 2 au US. Le dernier que t'as joué, c'est le 4? Ouais. En quelle année? Ben, c'est The After Years qui est sorti en WiiWare et qui est sorti sur la PSP. C'est la suite du 4. C'est le 4 The After Years. Ok, parce que je pensais que tu disais le 4, c'est le dernier que j'ai joué. J'étais comme. Non, ben moi. C'est ça, ils ont rendu à quoi, 14? Hein? Non, mais ben, moi, j'ai joué. Il y a eu joué... 2 en plus là-dedans. Puis des... ben, moi, j'ai même pas joué 7. J'ai arrêté à 6. Donc, à 3. T'as pas joué 7? Non, même pas. Ça y est. Ben, Chris, j'étais au cégep. Puis j'étais pas en sciences humaines à fumer des battes, là. Tu sais, j'avais des travaux, man. J'avais presque pas le temps de jouer. Mon scénario similaire, je l'ai pas joué quand il est sorti, mais là, il y a plus d'excuses, là. Come on. Ben, là, j'ai d'autres choses à faire. Il est sorti. Je l'ai, là, dans le bac à vendre. Là. Je pourrais le mettre demain matin puis jouer. Tu peux jouer sur ta PS Vita, t'as vendu. Ouais, je sais. Mais ça me tente pas. Trop long. C'est trop long, man. C'est trop long. Mais ouais, les jeux qui s'essouffent. Tu sais, je peux pas vraiment dire ça, mais les first person, j'y joue pas. Non, mais justement. Je peux pas dire que ça s'essouffle. Moi, mais j'aime ça. Je les vois passer, puis j'ai l'impression que c'est pas mal toujours pareil. Mais je peux pas dire. Toi, JF, t'as aimé ça, Battlefield, le dernier. T'es un gros fan de Battlefield. Je suis pas un gros fan de Battlefield parce que j'ai absolument aucun temps pour jouer à rien présentement. Mais pour les 5 minutes que j'ai joué, j'ai trouvé ça intéressant. Là. C'était bien fait parce que j'ai pas joué aux autres Battlefield de la série avant. Ah, ok, ok. À part peut-être le premier, fait que entre le 1 et le 4, il y a une méchante différence. Là. Ah, j'avoue. Mais n'importe quoi avec des guns. The gun is good. Ah, ben voilà. Oui, the gun is good. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les jeux de combat aussi, mais j'ai plus d'amis avec qui jouer. Quand, dans le temps, j'étais. J'ai c'est joué. Le moment plus c'est vrai. Du podcast. C'est là, tu me dis, tu vas me dire, ah, oh, je pourrais jouer online. Hey. Non, tu m'invites chez vous. On ben, game, totalement. Hein. Puis au Weekend Gaming, on a rien que joué à l'hostie de League of Legends. Là. On n'a même pas joué à Street Fighter 2. On a joué à aucun jeu rétro de fighting qui sont les meilleurs. On a-tu. Ah oui? Non, on a joué à League of Legends. Ton gars, là, on a joué à Moto Combat avec? Qui ça? Ouais, pas rendu là encore. J'avais pas assez vieux. Mais voilà. Fait que j'ai, les jeux de combo aussi, je les assimile super rapidement d'habitude. Donc j'aime beaucoup ça. Comme moi, justement. Puis les shmup aussi, bien sûr. J'étais un méga fan de shmup. Tu dis genre qui s'essouffle comme maintenant, t'es pas vraiment au courant de je ce qui se passe maintenant. Je sais pas te dire. Là, admettons, là, tu dirais le genre qui aurait dû mourir dans le temps du rétro, vu que t'es vraiment papa cassette, t'es vraiment un gars de rétro. Genre, mettons, si t'avais un genre à dire, là, ça, ça aurait dû crever dans l'œuf, c'est vraiment mauvais. Chris. C'est chiant, hein? Non, mais admettons, t'aimes pas les jeux de sport. Ouais, mais tu peux pas annihiler d'un coup tous les jeux de sport. Ouais, mais les jeux de sport sur NES, non, mais si on te donne ce pouvoir-là, tu annihiles les jeux et notre souvenir des jeux, là. Ouais. De quel genre? Hey, ou admettons, un jeu, là. Un jeu que toi, t'as joué pis ça te fait chier violemment. Il y en a plein là-dedans, là. Il y a Mystery Quest, là, au NES. Tu sais, ça, tu peux effacer ça tout de suite. Ouais, Strawberry Shortcake. Shortcake, tu sais, au Coleco. De mémoire récente. En fait, il y en a pas tant que ça dans ma collection, parce que j'essaie juste garder des jeux que j'aime, là, tu sais, bien sûr. Mais non, je peux pas te dire un jeu qui s'essouffle vraiment, parce que j'ai tout le temps les mains dans plein de styles différents, de toute façon. Fait que je sais pas. Toi, tu t'essouffles? Non, je m'essouffle pas. Serais-tu capable de doubler de la porno? Ouais, je m'essouffle de plus en plus, je fais de moins en moins de sport. Mais deux enfants, c'est un exercice. Je te poserais la question inverse à ce moment-là. Genre, qui existait pas jadis, que t'aurais aimé qu'il existe. Ah, c'est bon, ça. Ben, si on peut dire que la 3D, il n'y en avait pas avant, ben, justement, un third-person shooter, comme Vanquish, j'aimais ça. Third-person hack and slash, comme Metal Gear, j'ai adoré ça. Ça, c'est mes grosses expériences. Ben, mais God of War. Ouais. Tout ça, c'est mes expériences next-gen. Ouais. ça, j'ai God adoré. God of War 1, c'est ça? C'est ton expérience next-gen? Oui, exact. Ah, j'ai joué le 2. Puis il a buggé un moment donné. Prince of Persia, Sands of Time, le 2. C'est magnifique. Ça, c'est d'autres expériences, genre semi-next-gen. Mais c'est ça, moi, en fait. J'ai aimé ça. Tout ce qui est en third-person. Third-person, moi, ça le fait. Prochain Metroid, fais-le en third-person. Ils l'ont déjà fait le dernier. Mais tu sais, fais le meilleur job. Moi, je l'aime. Ben, je l'aime aussi. Vraiment bon. Ouais, n'importe quoi. Les gens se plaignent sur l'histoire. Personne se plaint sur les mécaniques. Mais peut-être à part le missile que tu switches. Mais quand c'est en third-person, personne se plaint. C'était c'est vraiment génial, ce jeu-là. Exact. Ouais. C'était cool, ce jeu-là. Arrêtez donc de le haïr. Ouais, arrêtez d'haïr ça. Colin, le monde est pas fin. On est gamer, faut qu'on hate. Ouais, faut qu'on hate. Must hate. Fait qu'on va prendre une pause. Ça fait déjà fuck 2 heures et quelques qu'on parle. Là, c'est à l'autre Guillaume à envoyer. Guillaume, faut qu'il envoie sa musique. Hey, certain. Veux-tu la feuille? Ben, c'est parce que c'est New Messiah. Voyons, sur le deuxième château, je me souviens plus, château, plein de Castle. Le Crystal Castle de Castlevania 2 Belmont's Revenge sur le Game Boy. Là, on parle d'un jeu qui m'a tellement fait plaisir quand j'ai su que c'était une de mes meilleures tracks à vie. Et les malades mentales. Et là, on parle d'un jeu qui, c'est qui était probablement pas sur la liste de priorité de Konami quand il a été développé. Là, un jeu, une version portable de Castlevania, on s'en fout un peu, tu sais. Mais la personne à la trame sonore s'est donnée à fond. Là. Les trames sont toutes bonnes, genre. Mais, et je pense que j'ai choisi la meilleure. Le jeu aussi est crissement bon. Dans mon top 5, sinon le 6e de. Et quand ils ont décidé d'en adapter un pour le Wii Virtual Console, c'était Adventure 1. C'est une grosse déception. C'est même pas. Il y a à peine quelques éléments du premier. Il aurait dû adapter le 2, en tout cas. C'est mon opinion. Voilà. Triste. On s'en va en musique. Retro Nouveau. Saviez-vous qu'il y a des gens qui ne savent pas encore que Retro Nouveau a un site web? Rendez-vous au retronouveau.ca, section TV, section radio, section archives pour écouter tout ce qu'on a fait les deux dernières années. Un blog avec des nouvelles. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter. On est partout, tout le temps, très présent. Oh yeah! Oh boy! Je suis redevenu petit, merde! Excusez-moi, les gars. J'aimais ça 5 pieds 8. Ordonnez-moi mes 3 pouces! Okay. Moi, j'ai une dernière question rapide pour vous autres. 42. C'est réglé. Merci, bonsoir! Bye! Non, c'est quoi votre meilleure manette? Hey boy! Oh! Clavier souris. C'est ça, je pensais pas. Non, sérieux, c'est ça, je pensais pas. Pour moi, là, l'inconvénient principal du clavier souris, c'est que ça va vraiment mal sur un divan. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais sinon, j'ai toujours pas trouvé une seule manette, puis je suis beaucoup, beaucoup plus console que je l'étais jadis. Ouais. Mais j'ai toujours pas trouvé une seule manette qui me donne la fluidité de la souris, surtout pour les FPS. Ouais. Puis le clavier permet au jeu simple d'avoir juste 2 touches et au jeu vraiment compliqué de m'offrir 40 000 touches si je le désire. Ouais. Fait que c'est, pour moi, c'est vraiment ça. Puis j'espère qu'un jour, quelqu'un va trouver un périphérique qui va lire dans mon cerveau et qui va me permettre de remplacer ça. Mais j'ai de la misère avec les manettes parce que j'ai tout le temps l'impression que je peux pas faire exactement ce que je veux faire. Ouais. Et que si j'avais juste un curseur avec une souris, tous les systèmes d'inventaire sur console où faut que tu passes dans 12 tables et que tu scrolles pendant une éternité. Ouais. T'es comme, non, mais je fais cliquer ici et ici. C'est des jeux qui sont comme adaptés d'un jeu PC. Fait que c'est là aussi le problème, dans le fond. Hein. Mais moi, c'est vraiment la DualShock de la PS4. Vraiment, je trouve que question prise en main. Un produit Sony, Bruno, tu m'étonnes. C'est bizarre, hein, quand même. Non, mais c'est vraiment la prise en main. Ça a l'air de l'invention la plus niaiseuse du monde, mais le fait que tu puisses plugger des écouteurs dans cette manette-là, ça change tout. Non, mais non seulement ça, mais avec une prise standard. Oui, avec une prise standard, n'importe quel écouteur. Pas besoin d'avoir des écouteurs propriétaires. Il y a la même chose, ça manette de la 3DO. Je dis ça de même. Yo! Yo! Il y a aussi des jeux pas traumatisants sur la PS4. Ouais, hein? Ça de même. Non, mais je l'aime. J'aime pour la prise en main et tout ça, parce que avant ma meilleure manette, c'était la manette de la Super Nintendo. Parce que j'aime les coins ronds et tout ça. J'aime la façon qu'elle se prend et tout ça. C'est une manette qui est super simple. Mais là, c'est vraiment celle-là pour plusieurs raisons. Mais je te dirais, pour les enfants en bas âge, je pense qu'elle est un peu grosse. Ouais, elle est un peu grosse, en parce effet. Parce que... Les enfants en bas âge jouent pas plus un jeune gars. Ben oui, mais moi je connais. Quel 2014. Quel bon âge. Ma fille, elle joue à Marvel Super Heroes. Je connais un jeune homme de 6 ans qui a fini NAC. OK. Ouais. Et qui a adoré son expérience, mais qui trouvait la manette inconfortable. Ouais. Ben là, il est chialeux, ton. Puis d'ailleurs, petit fun fact. Ça, c'est les enfants, ça, là. Élevé dans Watt. Ça, là, des PlayStation 4 à 6 ans. Des enfants Teflon. Sur NAC, Mark Cerny, quand il a créé le jeu, il a créé une manette plus grosse pour que les développeurs tiennent ça comme des mains d'enfant. Pour avoir comme des mains d'enfant quand ils allaient jouer au jeu, pour que le deuxième joueur, parce que ça a été créé. Il aurait pu prendre une manette de Genesis, ça l'aurait. Ou il aurait pu juste engager des gens avec des allergies aux noix, puis comme les frotter les mains avec des noix. Faire comme. Je suis pas capable. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Fait que vous autres, je sais pas, Guillaume. Moi, c'est le Power Glove. Power Glove all the way. Power Glove pour cuisiner, Power Glove pour gamer. Power Glove de gaucher, right? Droitier. Droitier. Ouais. C'est une question piège. Le Power Glove de gaucher n'existe pas, sauf dans le film. Il doit exister. Non. Oh, tabarnouche. Sauf dans... The Wizard. Ah ouais? The Wizard, c'est le seul endroit où il y a un Power Glove de gaucher. Deux affaires qu'ils savaient pas sur Street les vieux jeux. Street cred. Hey. Wow. Tabarnouche. Mais j'ai vu un Power Glove... La vie est faite. ...plus petit une fois. Oui, c'est vrai. Ça existe, Power Glove pour petits enfants. De quoi, un porte-clés? Non, il est plus petit. Il est plus petit qu'un Power Glove normal, juste un peu plus petit. Okay. Comme pour les bras d'enfant. Il y en a un au gaming, ça Saint-Jérôme. C'est là que j'ai encore vu. Là, d'ailleurs, il est vraiment plus petit. Il est fait pour les mains d'enfant. C'est vraiment fuck. C'est vraiment weird. Fait qu'au lieu d'acheter des mitaines à mon gars, tu sais, c'est vrai, il a acheté un Power Glove plus petit gaucher. Ça, c'est genre 20 000 piastres sur eBay. Parce que le petit Power Glove, il le donnait comme aux enfants dans les usines qu'ils concevaient quand ils prenaient leur retraite. or. Exact, c'est un trophée. Genre, si tu l'achètes, c'est la montre en or si des enfants chinois. Exact. Si tu l'achètes et tu le liches, ça goûte les larmes. Oh, oh man. Mais tu vois, moi, le confort de manette est pas quelque chose qui m'a. Comme, je peux pas te dire, tu sais. Ben moi, tu sais, la NES, je l'adore cette manette-là parce qu'elle est iconique, mais joue longtemps à un jeu de NES. Là. Ben joue longtemps à un jeu de NES. Ça fait mal. T'as la flèche du NES dans le pouce un moment donné. Puis ton pouce est humide, mais ça, faut vraiment que tu sois comme nerveux puis que tu joues longtemps. Non, mais t'as les coins aussi, les coins raides, les fucking coins, man. Ben sur ma dog bone qui est ici présentement, les coins sont amortis, puis ça, c'est rond. Puis tu vois, les flèches ici, c'est plus c'est moins coupant, là, tu sais. Ah, mais il avait remédié ça aussi avec la NES Max. Ah, ça va mal, ça. Il y a 4 personnes au Québec qui aiment ça. Je suis tellement le seul qui aime la NES Max au monde. Mais tu sais, ma manette d'Atari... J'étais deux quand j'étais petit. Et t'es définitivement le seul qui aime la NES Max et... la PSP et la PS Vita. Ouais, exactement. T'sais, ce combo-là, il y a juste toi. C'est ça. Toi, t'es le profil de gamer que les compagnies comprennent pas. Comment marketer un jeu à Bruno Georget et Sweet Fuck Off. Mais manette de Super NES, parfait. Manette de Dreamcast ou manette de GameCube, moi... Sérieusement, Chris. Manette de 64, j'ai un peu de misère, par exemple. Juste un peu. Quand même un peu. Hey, t'as pas de 3 un peu parce que je joue un peu au 64. Mais donc, vraiment pas souvent parce que c'est une console que j'aime pas. Parce que ça prend 3 mains pour jouer à ça. Ah, non, c'est faut que t'aies une main de chaque côté puis une main sur le truc dans le milieu. Ça, t'as pas ça. Mais comparé de manette. J'avais jamais mettre ma main gauche ou, tu sais, t'as jamais sur le D-pad parce que ça sert à rien. Mais non, mais quand tu joues à Mario Kart, des fois, tu fais comme bon, mais m'en faire le Switch, tu t'en vas au milieu puis d'attitude puis tu non mais t'es tout le temps au milieu, c'est en 64, c'est tout le temps analogue, c'est jamais sur le D-pad, tu sais à quoi ça sert d'en mettre un, moi c'est ça qui me gosse. 64. Mais parlant de D-pad, j'avais bien aimé puis bien sûr ils ont fait ça en fin de génération pour être sûr que ça serve à peu près à rien, la dernière version de la manette, la Xbox 360, oui. Où le D-pad tu peux choisir qu'il soit à peu près flat ou tu peux lui faire faire 90 degrés, puis là, il ressort et t'as plus de relief. Nice. C'est le genre de petit tweak que je me dis, je comprends pas pourquoi est-ce que toutes les manettes qui ont un D-pad n'ont pas pensé à ça avant, parce que ça coûte pas grand-chose changer ça. Mais c'est le genre d'initiative que c'est des compagnies de développement qui demandent ça sur les manettes. Tu sais, le meilleur exemple, puis moi, c'est mes manettes préférées seraient ce genre-là. Quand j'ai passé d'une manette à l'autre, tu sais, du modèle supérieur, j'ai fait « Ah, ça a de l'allure ». Quand la Xbox originale a sorti la Type S, manette plus petite, plus compacte, les boutons étaient légèrement déplacés, boutons noirs et blancs d'ailleurs, qu'ils étaient mieux placés. Manette c'est Tecmo, en fait, c'est Team Ninja qui a demandé que cette manette-là existe parce qu'ils ont comme fait, regarde, on développe un jeu pour ta console, mais c'est de la merde ta manette, fait qu'on va t'en faire une. Tu veux dire que ta manette n'est pas appropriée à notre marché cible. C'est probablement plus comme ça qu'ils l'ont formulé. Et donc, ils l'ont sorti, puis ça a été. Ça... Moi, quand j'en ai une dans les mains, j'ai comme fait, je comprends, mais ça me tente plus d'avoir l'autre, là, on s'en fout. Puis il m'est arrivé la même chose en passant la manette PlayStation 1 à la DualShock. Là, tu comprends, la DualShock. Pour moi, c'est la meilleure expérience de manette que j'ai eue, mais tu sais, en même temps, on s'en fout, là, il y a plein de manettes qui se tiennent mieux au final et qui répondent mieux. Mais quand j'ai switché de la manette PlayStation 1 à la DualShock, ça a comme fait on pense à mes mains enfin, il y a quelque chose qui se passe. Exact. L'idée de l'ergonomie est rentrée dans mon cerveau avec la DualShock. C'est ça. Mais moi, c'est pour les faibles. Mais c'est pour ça que moi, j'aime celle de la PlayStation 4 parce que j'ai comme l'impression que c'est l'extension de mes mains. Moi, j'aime beaucoup R1 et R2, c'est la PlayStation 4. Là. Oui, mais la pire. Smooth en estime. On n'avait pas eu des gâchettes aussi smooth que ça depuis la Dreamcast puis la Saturn, la manette ronde. C'est vrai que c'est smooth. Mais la pile. Oui, la pile, ça n'a pas de maudit bon sens. Je pense que si ils me mettaient sur un vélo stationnaire, même si je ne suis pas capable de durer longtemps, je ferais plus de temps sur le vélo stationnaire que la manette de la PS4. Oui, c'est vraiment ça, épouvantable. Ça fait chier, ça. Ça fait chier, puis ça fait chier aussi que tu ne puisses pas brancher cette manette-là dans un port USB puis genre dans un bloc d'alimentation sur ton mur. Faut absolument que tu la branches dans ta PS4. Puis là, il donne un fil d'à peu près 2 pieds de long, là, comme celui que j'ai de ma PS3. Exact. T'es obligé de m'asseoir un petit bonhomme dans le milieu du salon au lieu d'être amaché sur mon divan. tu fais le deal de jouer juste 15 minutes demain, puis ça, tu vas te rasseoir pour les 5 minutes de Ben Zeta. Là, tu reviens. Ou tu joues finalement, je joue même pas parce qu'il y a un update. je pars au mon update puis je vais jouer à Demon's Crest. Un vrai jeu. mais pour ça d'ailleurs, je dois donner à César ce qui revient à César pour le fil de recherche qui vient avec la Xbox One. Ouais. Qui fait genre 8 pieds c'est de long. C'est super long. Fantastique, oh ouais. Ça. Puis, mais pourtant, ils n'en ont pas besoin. La recharge, je veux dire, la batterie, elle dure vraiment longtemps oui. sur la manette de la Xbox mais One. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, hey, awesome! C'est le même connecteur sur la One pis sur la PS4. Ouais. Fait que le fil de la PS4, il va dans le fond d'un tiroir ah, à quelque ben part. Maudit. Puis je prends le fil de la One ben pour oui. toutes mes manettes. Bon, parce ben. Qu'elle fait de ma bon, console ben, à mon divan. Bon, ben, good job, Steve. Bon, mais ben, je vais aller dépenser 1200$ pour de nouvelles consoles, j'en reviens. Bonne nouvelle. 1250$. Alors, mettez des fils sur ces la... manettes, puis mettez des fils longs, puis ça va régler tous les problèmes. Eh ouais. Mais c'est un coup facile à éviter. Tu on ton, vient t'sais. À l'époque des fils, finalement. Ben oui, ben, des bons fils. Courant sans fil, mon gars. On va ouais. tout pogner le cancer, mais c'est pas grave. Ah. On n'aura plus besoin de chercher nos manettes. On va avoir du gaming, ça. Mort. On va être énergisé. Parce que notre mort. Dans 15 minutes. Aïe, aïe. Hey, toi, t'avais dit qu'on commençait avec la déprime et que ça allait finir joyeux, mais c'est pas vraiment ça qui se passe. Là, on finit encore sur une note déprimante. M'a te faire quelque chose de joyeux, juste et pour on toi. On parle de cancer. Là, oh, juste pour toi. Qu'est-ce qu'il va ouais. faire? Qu'est-ce qu'il je parlais va faire? De la GDA tantôt. Ouais. Si les gens qui nous écoutent sont fans de jeux, je pense que peut-être qu'il y en a. C'est pas tout le monde qui écoute, tu sais, mais peut-être. Sûrement. On espère. IGD Montréal, c'est un événement par mois, à peu près 10 mois par année. Oui. Ça coûte 5$ rentrer là si tu fais pas partie d'une compagnie qui sponsorise la GDA. OK. Donc, si tu travailles pour un développeur de jeux, c'est gratis. Si tu travailles pas pour un développeur de jeux, c'est 5$. Pour 5$, t'as une bière gratis. OK. Et de la bouffe. Oh. Fait que c'est comme Grétis au bout ouais, du compte, ouais. parce que la valeur est là. Et t'as des présentations de gens de l'industrie du jeu à propos d'un paquet de sujets que ce mois-ci, c'était trois différentes compagnies qui ont fait des jeux mobiles et qui avaient des objectifs différents, comme le jeu dont je parlais tantôt, qui avait comme seul objectif d'avoir des downloads. Shadow okay. Planet. Shadow oui, Planet. Shadow Planet. Qui est téléchargé. J'ai déjà vu Randy Pitchford, le CEO de Gearbox ouais. Software, qui était là parce qu'une fois par année, ils font venir quelqu'un de l'extérieur, okay. Un peu plus high profile. À tous les janvier ou février de l'année, ils ont ce qu'ils appellent le Demo Night, où mm-hmm. c'est des compagnies qui viennent présenter des jeux, autant des indie que des AAA. Le seul prérequis, c'est qu'il faut que ton jeu n'existe pas encore. Okay. Et là, tu viens présenter où il est rendu. Aïe, aïe. C'est super intéressant. Donc, si les gens sont intéressés par ça, si Google IGDA Montréal, ils vont tomber sur le site web, peuvent s'abonner à la mailing list. Et je pense que ça vaut vraiment la peine, si on aime les jeux vidéo, d'aller faire un tour là-bas. Parce ben que oui. c'est ça, 5$, puis t'as des sandwichs Dagwoods, puis des biscuits et une bière gratis. Tu y vas pour la bouffe et la bière, fait que puis tu reviens avec plein de connaissances merveilleuses. Et... en plus, ou malheureusement, tout dépendamment de ton point de vue, ça se peut que tu me croises là-bas. Ah, ah. C'est bien ça. Bon. Bon, vous l'avez votre chance, là. Tout allez-y. Est là. Pour ceux qui chercheraient l'adresse, ceux qui cherchent l'adresse web, c'est legacy.igda.org/Montréal. Voilà. Great. Malade. Guillaume, t'as-tu quelque chose à plugger? Non. Cherchez pas mais, Guillaume, mais viens pas chez eux. Même pas, je joue le jeu. Je reste chez moi et je vous emmerde. Non, c'est pas vrai, je vous aime toute la gang. Surtout toi, là. Toi, non, toi, non, non, pas non, toi, toi. Non, toi. Ouais, ça, ouais. Ok, ben évidemment, il y a une sortie imminente de l'épisode d'avril parce qu'il serait temps. T'sais. C'est de valeur que ce podcast-là sorte dans deux semaines. C'est ça. Donc, probablement qu'il va être. Il y a du monde qui ne sont pas couchés présentement. Ben voilà, c'est ça. Mais la écoutez, semaine passée, il est sorti un excellent épisode de Je joue le jeu. Ben, ouais, Jinx, c'est un super épisode. Mon huitième. Si vous aimez le jeu rétro, vous aimez le jeu vidéo, point. J'essaie d'en parler avec, avec amour, avec respect, avec humour. Je suis pas bon à vendre mon truc. Des jeux en importation. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il fallait trouver mon créneau. T'sais. Exact. Il y a un paquet de gens qui font déjà ça et qui le font très bien dans d'autres tons que le mien. Moi, j'ai décidé de parler avec un peu de passion, avec un peu de naïveté surtout. Et j'essaie de vous apprendre quelque chose à chaque épisode. C'est un élément un petit peu important. Et oui, donc je me concentre sur les jeux importés, bien que nouvel épisode, tu vas voir, il y a un petit twist. J'ai hâte de voir. Et mais puis... Si je peux me permettre une comparaison, puis là j'espère que tu vas pas m'haïr de dire ça. Moi j'ai un petit feeling Family Guy en écoutant ce show-là, parce que des fois il y a quelque chose qui nous est expliqué. Et là, une parenthèse, ouais. pas nécessairement utile, pas nécessairement importante, c'est vrai. Mais qui fait que ton cerveau décroche un peu et habituellement rit. Puis après ça, on revient à peu importe c'était quoi le sujet principal. Moi, j'avais bien aimé dans le premier épisode que quand tu parles des cartouches de jeux Famicom, oui. qu'il y en a de toutes les couleurs, puis là, ça coupe. Là, t'as un petit deux secondes de toi qui arrive devant ta bibliothèque de jeux de Famicom de toutes les couleurs. T'as une espèce de seizures. crise d'épilepsie. Crise d'épilepsie. La bouche pleine de yogourt, puis j'ai transformé ça. Ouais, c'est... Exact, ce genre d'affaire-là. Moi, je me souviens plus c'était quel épisode, mais c'était ton dude qui sort ses couteaux. C'est le même, c'est le premier épisode, en fait. C'est fat, c'est tellement drôle. Non, j'en ai d'autres. Ouais. Hey, check, man. Ben écoutez, exact. Voilà. L'oiseau, c'est facile dans si ton ça, épisode d'Astro. Si ça peut vous servir de preuve, tout le monde a une joke à ramener d'un de mes épisodes au moins. Donc écoutez ça pour voir. Les coups de pied de Sherlock Holmes, man. Oui. Fantastique. Pige une carte. Ah, c'est écœurant. Hein. Fait que bref, je suis bon pour faire des. Je suis quotable, finalement. Donc il y a déjà ça qui fonctionne. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter. Même chose pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'univers de Je joue le jeu. Il y a d'autres projet. On est en train de travailler sur peut-être une autre idée. Et on va peut-être me voir dans les conventions du courant de l'année. Il faut que je fasse des annonces officielles. Oh. Mais... Ah ouais, c'est-tu « Je mange VG » ou un affaire de même? Ou... Je suis au salon de la femme. c'est moi qui mange du céleri en robe de mariée pendant une heure. Je fais du yoga. Et là, on nous explique l'héritage culturel derrière chacune des positions de yoga et d'où est-ce que ça vient. Les avec des jokes de Family Guy au travers. Genre, la fois que j'ai chié dans ma robe de yoga. vous avez mis à nu ma formule. Yoga. Ça y est, c'est bon. Voilà, comme ça. Prenez l'épisode, vous allez l'écrire vous-même, vous êtes bon. Les gars, on copyright ça direct là, puis on le poursuit. Non? Ben oui. That's it. Hey, ben moi, je vais reploguer ma boutique de t-shirt. Oui. C'est lamanette.bigcartel.com. Allez voir ça, allez précommander. Puis aussi, je voulais dire au monde d'écouter Rétro Nouveau TV. Excellent. N'oublie pas le code promo. Oui, le code promo, c'est vrai pour les résidents du Québec. Inscrivez Québécois. Q-U-E-B-E-C-O-I-S pour avoir un spécial de 3$ pour le shipping, ça vaut quand même la peine. Puis aussi, c'est ça, Rétro Nouveau TV4 quand même, on a travaillé vraiment fort là-dessus. Ouais, il est bien comique. Il est bien comique. Il est vraiment... Moi, j'ai ri en tabarnak. Je l'ai écouté au bureau, je veux pas. Ouais. Mais je me suis pincé le visage, pas que ça sonne trop fort que je riais. Vous êtes génial, messieurs, vous êtes génial. Fantastique. Ouais, merci beaucoup. Puis merci d'être là à soir, c'est génial. Ouais. Ben, Fred, t'avais-tu d'autres plugs, toi? Certainement. Ben, Radio Talbot. Radio Talbot. Monsieur Net, pour les gens qui écoutent live, qui sont pas encore couchés à cette heure-là, demain soir, je suis à Monsieur Net, d'ailleurs. Ouais. Pour mon avant-dernière parution de la saison. Ouais. Parce que ça finit. Ça finit dans 3 semaines. Ouais. Et sinon, c'est ça, Radio Talbot. Toutes les vendredis. Pas mal dit. Excuse, je l'écoute pas. Mais je veux te dire pourquoi? Ça fait plusieurs années, et vraiment années, que c'est plus le vendredi, parce que maintenant, le vendredi, il y a Monsieur Net. C'est le fun. Je l'écoute pas parce que ça parle de techno, et je suis pas un gars de techno, même pas beaucoup. Ça parle surtout même pas de jeux. C'est le fun. Ça parle surtout de jeux, mais d'accord. Mais des jeux qui sont pas mon style. Sortilège. Il y a Ben Gagnon qui fait un critique rétro. Sérieux, c'est tous les lundis soirs à 8h. Oh, man. Puis, habituellement, de 8 à 9 à peu près, mais des fois, on déborde un peu. C'est lundi qu'il n'y a pas de Monsieur Net à TV. Voilà. J'écoute pas Monsieur Net. Mais c'est parce que c'est dans une plage horaire qui fit totalement avec le coucher de mes enfants. Ouais. Genre, c'est pas possible. Mais non, mais t'as un alibi pour tout, man. T'es correct, t'es blindé. Mais t'es vraiment blindé. Oui. Ils sont sur Internet. Ouais. Ouais, je sais. Mais j'ai pas le temps parce que je travaille. Mais là, tu veux pas, là. Regarde, là. Non, je veux dire, tout est sur Internet, mais ouais, c'est ça. Non, mais c'est mais bien Internet légalement, en plus, tu sais. Parce que oui, tout est sur Internet, mais pas tout légalement. Mais quand je voulais aller écouter Bruno, par exemple, je trouvais que c'est un petit peu long avant que ça arrive sur Internet. Ça se peut-tu, ça? Ben, tu parleras à Bruno, parce qu'il est plus proche de l'équipe web que moi. Non, mais c'est long, ça, c'est une affaire d'entente avec Vidéotron et toute l'équipe. Ouais, connaissant. Ouais. À part augmenter mes factures, là, ils font pas grand chose. Non. pas le vendredi, parce que ça fait plusieurs années que c'est plus le vendredi, mais le lundi soir, Radio Talbot. Et c'est ça, Monsieur Net, écoutez ça tout le temps. Puis une fois de temps en temps, vous allez voir ma grosse face, puis vous allez changer de poste. C'est tellement bon. Des fois, Frank. C'est le fun que tu sois revenu cette année, monsieur. Là. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de fans qui ont apprécié. Mais c'est... Puis là, je vais faire une petite parenthèse. Là. J'avais arrêté parce que j'avais vraiment plus le temps. Parce que j'ai 10, j'étais là à peu près à tous les soirs. Puis t'étais loadé. Ben, je me rappelle d'un temps où est-ce que quand j'avais pas d'enfant, je l'écoutais vraiment plus pour vrai. Puis t'étais là tout le temps. Ben, t'étais d'ailleurs, tout le temps là. T'étais là à tous les soirs. D'ailleurs, à un moment donné, vous avez fait... on dirait que vous saviez pas de quoi parler. Puis là, vous avez décidé de parler de la Wii. Puis là, bon, on va regarder les fonctionnalités de la Wii. Puis là, Denis, il avait dit genre, ah ouais, c'est vrai, je m'en sers pour tenir ma porte. Je vais comme l'enlever de là. Puis là, toi, t'avais montré à TV comment aller dans manette pour changer un setting. Non, c'était tout préparé, ça, man. Il avait vraiment bien préparé son affaire. Ben non, Frank avait fait un super bon topo. Ouais. Il m'avait appris des affaires sur ma Wii que je venais juste d'acheter. Là. Ça, c'était vraiment bon. C'était cool. Alors, je voulais te le dire. Merci, tu m'as appris mes settings de Wii ce soir. Là. Ben, écoute, ça a réglé ma vie. Ça l'a changé. C'est pour ça qu'il est papa cassette aujourd'hui. Maintenant, fais un spécial sur le transfert de save de la PS Vita. S'il te plaît. Aide-moi. Il est temps, là. Mais non, c'est ça. J'avais arrêté il y a un peu plus de 2 ans parce que j'avais juste plus le temps. Exact. Puis les gars arrêtaient pas de m'écœurer quand elle survient. Ouais. Puis là, ils ont fini par me dire, ben si on te promet qu'on te demandera pas plus qu'une fois par 2 semaines, reviendrais-tu? OK. Puis bon, ils ont échoué à cette promesse-là parce que juste il y a 2 semaines, j'étais là 3 fois la même semaine. Ouais. C'est moi qui est cave puis qui dit oui. Là. Ouais. Mais reste que j'ai un fun incroyable à travailler avec ces gars-là. Fait que je suis revenu puis ça me fait plaisir. Puis c'est ça. Je suis là juste une fois 2 semaines par contrainte de temps. Mais c'est tellement le fun des connaissances. On a du fun. Ah ouais. C'est le fun. C'est cool ça. Yes. Bravo. Puis toi, Dom. Ben moi. Qu'est-ce qui se passe dans la boutique, là. Ta boutique. On va en reparler encore. Tes ristournes. Les réseaux chauds que t'écoutes pas. Grosse ville, gros, hein. Grosse ville. Grosse ville sale, Cadillac dans l'entrée. Payé à même la ristourne. Feu dans le Cadillac, mais j'ai pas d'entrée. Mais Jeff m'a dit. Mais pas le câble. Non, pas le câble. Mais Jeff m'a dit tantôt. D'ailleurs, on a un fan qui nous a découvert. Ben, un fan. En tout cas, quelqu'un qui nous a découvert. Non, mais quelqu'un qui regrette aujourd'hui. Il est trop récent pour dire qu'il est fan, en tout cas. Mais il nous a comme découvert aujourd'hui, on dirait. Wow. Puis là, on s'amuse là, à dire des folies sur Desjardins et les ristournes Desjardins. Mais il travaille pour Desjardins. Selon ce que j'ai compris dans le chat room. Exact, exact. Alors, moi, je veux pas brusquer personne. Ben là, Desjardins, c'est une blague. Mes gogas sont chez Desjardins. Mais je trouve que, tu sais, quand Desjardins m'envoie une enveloppe pour me dire là les ristournes s'en viennent puis tout ça, puis que je reçois mon 2$, ben, tu sais, je trouve ça un petit peu niaise. Alors, c'est pour ça que je fais des blagues. S'il t'envoyait pas d'enveloppe, peut-être qu'il pourrait t'envoyer 2$ et 5 cents. Ouais, exact. Déjà, ça serait plus payant. Elle m'envoie beaucoup de papier. Mais pourquoi je disais ça, moi? Je sais pas. Là, tu pluguais quelque chose. On te demandait de plugger, t'as plugué. Fait que dépensez vos ristournes sur la boutique Papa Cassette. Non, mais à l'extérieur de l'univers de Rétro Nouveau, papacassette.com, effectivement, pour acheter des jeux rétro. Puis bientôt, une adresse physique. Là, je vais vous mentionner ça. Sinon, party au Funzo à toutes les 2 semaines avec un thème différent. Un jour, je vais finir par être là. Jusqu'à maintenant, il y a toujours eu un alignement d'astres parfait qui fait que, genre, il y a un météorite qui va tomber sur la Terre si j'y vais. Ouais, mais un jour. Ah, écoute, c'est le fun. Ça continue. C'est Guillaume est venu. Moi, j'ai hâte d'en T'es venu à Castlevania. T'es venu l'autre soir. J'ai gagné à Castlevania. T'as gagné à Castlevania. C'est comme ça, là, absolument. Et j'ai une bien piètre performance à Megaman. Mais, La soirée Megaman. Ce qui arrive, c'est que souvent, ça arrive les fins de mois, puis c'est ça où il n'y a pas d'épisode de jeu sur Internet. Donc, je viens pas tout le temps. Mais allez-y, vous, à la maison, allez-y. C'est écœurant. Hein. Si vous êtes jamais allé au Funzo, c'est l'endroit de vos rêves. Sauf si c'est dans un demi-sous-sol. Des fois, il fait chaud, mais il a fait trop chaud l'autre fois. Là, la température a surpris tout le monde. On suait, man. Mais non, c'est vraiment cool. Puis la gang du Funzo sont vraiment comme carte blanche, je pense que je veux, sont vraiment gentils. Puis Bruno, on va te voir plus prochainement. Ben oui, parce que là, Monsieur Net termine en mai. Fait que moi, dans 3 semaines, là, vous allez me voir la face au Funzo tout le temps. Vous allez dire, Chris qui est fatigué. Ça va être fantastique. Ou à la boutique de Papa Cassette. À la boutique de Papa Cassette, c'est sûr, je vais me retrouver là. Ben oui, ouais, on négocie sur ton comptoir. Ça va être la sexy caissière de la boutique de Papa Cassette. Exact. Il va signer tous les cassettes. il va porter des décolletés un petit peu humiliants. Fait que ça va être ça. Un outfit de schoolgirl? Oui, ben oui, c'est ça. Moi, je viens à la Pachel boutique si tu portes ça. Ah, puis écoute, je vais le faire. Nice. Non, je vais faire un plein pied là, en foam core. Là. Quelque chose pour mettre. Une photo pour mettre dehors. Même, là. On va prendre des selfies exact. Avec moi. Ça va être écœurant. Fait que c'est ça qui est ça. Puis that's it. Le futur est grandiose. On se quitte sur une toune de Pat Bourgeot. Oui, Patrice Bourgeot qui nous a fait cette fois-ci, cette semaine, un remix de Flashman au NES. Megaman 2, cool. je m'en viens chaud d'air, c'est ma quatrième gueule. C'est fantastique. Et lui, je l'ai même shot. Ah non, je suis là. Fait que on se quitte. t'es en contrôle. Ouais. J'ai le contrôle. Les deux mains sur la table, t'es là. Les deux mains sur le volant. Tu t'occupes des vraies affaires. Ah, toujours, les vraies affaires. Fait que on se quitte avec ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Ciao tout le monde. Bonne nuit. Merci, salut. Bye.